groove, hein. T'inquiète, c'est Coé, ça commence maintenant. Le Before. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti. 17h-20h sur Énergie. Bonjour à tous. Nouveau rendez-vous, nouvelle semaine, 17h, on est là jusqu'à 20h. Merci d'être très nombreux à nous écouter. Le nouveau rendez-vous dans la voiture. Bienvenue à tous ceux qui ont changé de radio et qui nous découvrent. Tous ceux qui nous ont envoyé des messages très gentils sur tous les réseaux sociaux tout ce week-end. Je vous embrasse tous, je pourrais le faire. On va essayer d'en lire beaucoup tout à l'heure à 18h de tous les messages avec éventuellement un ou deux haters. Bien sûr. Bien sûr. Mais mec, parce que si on met que des compliments, demain on en aura un qui dit ah ben voilà, il sélectionne les compliments. Ah, bien sûr. Les choses méchantes, il les dit pas. Fake. Donc on s'occupera de ça tout à l'heure. Donc merci à vous tous, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Tout à l'heure, 10 000 euros peut-être à gagner pour vous récompenser. Vous envoyez par SMS au 7-10-12 Coé au début de votre message, et si je vous appelle, vous trouvez la bonne enveloppe. Aujourd'hui, j'ai une enveloppe à 10 000, j'ai eu 1000, j'ai du 500, monsieur l'âme, j'ai du 100, j'ai du 200, j'ai du 50. Vous trouvez la bonne enveloppe et bim, 10 000 euros. 1000, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, et 10 000, ça fait 10 jours. Je sens bien les 10 000. Allez. Je sens bien les 10 000. 1000, je les ai filés la semaine dernière. Ouais. Tu as raison, check. Enfin, pour un mec qui a perdu ses papiers, check. Pardon, on en reparlera dans un instant. J'espère que vous avez tous passé un très très bon week-end. Aujourd'hui, l'émission, elle va être incroyable. Nous parlerons des champions du monde de l'actu dans un instant où vous découvrirez qu'on peut tirer et tuer quelqu'un de sa famille pour des raisons stupides. Nous aurons le zap télé de Miko et nous apprendrons un nouveau mot. Oui. Et comme quoi, on n'est pas méchant et qu'on ne tire pas toujours sur les mêmes. Pour une fois, ce ne sont pas des gens de télé-réalité. Ce sont dans des jeux intelligents du service public où on crée des mots qui n'ont jamais vu le jour. Nous aurons un sondage exclusif sexe, homme, femme, la parité. Vous en apprendrez autant sur les hommes que sur les femmes. Ok. Voilà, sur nos habitudes, nos petites manies et tout ce qui va bien. Je vous expliquerai qu'on est champion du monde de foot. Mais pas que en foot. On est champion du monde aussi dans autre chose. Je vous parlerai également de The Voice Kids qui a bien marché vendredi, j'ai pas regardé. J'ai regardé un petit peu, c'était bien en plus. Ouais, j'étais bien. Moi, ça me saoule. Hein. Je suis très honnête avec vous, je vous l'ai déjà dit. Moi, les enfants qui chantent, ça m'insupporte. Ah là là. Mais même s'ils chantent bien. Non, ils ont un vrai talent dans The Voice Kids. Mais les émissions où on va, à chaque fois, on met des enfants qui essaient de singer les adultes, c'est un peu pénible. Donc, j'ai décidé tout à l'heure de créer d'autres émissions et on va les faire ensemble où on pourrait faire la version Kids. Il n'y a pas de raison, faut pas s'arrêter à The Voice Kids. Faut en faire plein d'autres. Nous aurons la compile de Patrick Sébastien, La mauvaise nouvelle est tombée. Ah oui, c'est la dernière ligne droite. Alors je vais vous dire un truc. Vous savez que j'aime beaucoup Patrick Sébastien. Ouais. France 2, j'espère qu'ils ont autre chose que la merde avec Jean-Paul Gaultier de samedi soir. Parce que s'ils remplacent Patrick Sébastien par le truc de Jean-Paul Gaultier à 1,5 million, ils peuvent fermer la chaîne. J'espère qu'ils y ont réfléchi avant, parce que Patrick Sébastien, on aime ou on n'aime pas, on regarde ou on regarde pas. Le grand cabaret. Mais malgré tout, il y a des millions de Français qui se posent devant le plus grand cabaret, qui sont peut-être plus âgés, voilà, c'est tout. Et qui regardent les jongleurs et tout, machin, ça fait de mal à personne. C'est pas violent, ça fait. Non, on est d'accord ou pas? C'est d'accord. Clairement. Ça marche surtout. Ouais, c'est surtout le seul truc qui marche le samedi soir. J'espère que le gars qui a dit on conduit plus le contrat, il a bien réfléchi avant. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura la villa des animateurs tout à l'heure avec toutes les stars dedans, de Nikos à Patrick Sébastien justement. Et à 18h, l'émission en public, ça va être magique. J'ai envie de présenter toute l'équipe, mais d'abord, un truc, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes là, vous êtes sur votre téléphone portable, vous cherchez votre chemin et vous dites tiens, je vais regarder Google Maps. Et vous savez, il y a Street View. Oui. Et Street View, vous regardez les rues, c'est-à-dire que vous avez le chemin, puis on vous montre exactement. Oui. Et d'un seul coup, le gars, il regarde, il voit sur Street View, il dit tiens, bah on dirait ma femme sur un banc. Hop, il recule et il voit sa femme sur un banc, mais avec un type allongé, la tête sur elle. La tête du mec était floutée, mais pas la tête de la dame. Non. Oh la loose! Mais c'est ma femme! C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, sauf que ça, c'était où? C'était un péruvien? Oui. Voilà, ou sous mon fond. Je sais pas comment dire, c'est ma femme en péruvien. Je parle très peu péruvien. Donc, non mais. En espagnol. Et elle a été obligée d'avouer sa liaison. Oh là là là là. Et c'est le gars, il a rentré son itinéraire dans le GPS. Hein. Dans 50 mètres, tournez à droite, puis prenez à gauche jusqu'au tribunal. Et vous n'aurez pas de pension alimentaire à verser. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Allez, présentation. J'ai fait une petite présentation à vous tous là. Vous allez adorer. Il a passé son week-end avec la femme de sa vie, c'est beau l'amour. Il a pas arrêté de la toucher, la caresser du bout des doigts, lui titiller les boutons. Hein? Non. Non, je parle de sa PS4, c'est de toi que je parlais. Et aussi, il a reçu le nouveau Call of Duty. Alors, c'est Bichette, notre réalisateur. Bonsoir. Salut mon Bichette. Son week-end était parisien, il s'est fait voler ses papiers, son portefeuille, tout. Il avait dans la poche de son jogging un pickpocket. Et là, vous me poserez une seule question. Que faisait-il en jogging? Le look, c'est sa vie. Il a le droit de s'habiller comme il veut, c'est Miko, vous pouvez le dire. Bonsoir. Est-ce que je peux vous raconter en deux secondes ce qu'il a vécu? Je la raconte trois secondes. Vas-y. Il va au commissariat, il va voir le gars, il lui dit on m'a volé tous mes papiers, ma carte d'identité et tout. Et là, le policier se penche sur le clavier, il fait bon, alors monsieur, donnez-moi votre carte d'identité. Non. Véridique. Et il y a eu un grand blanc, il a fait bah non. Oui, autant pour moi, oui, bien sûr. Autant pour moi, bien sûr, monsieur. Elle a passé un week-end de folie, elle est trop contente car elle a fait les soldes et elle a eu des super prix sur les fouets et les massues pour dresser les stagiaires, la délicieuse et très douce Stouff. Ouais. Il a passé tout son week-end à créer un tout nouveau régime à base de sauce et de crème et de rillettes. Il l'a même testé sur lui. C'est incroyable comme ça marche. Pas du tout. Et surtout, ce week-end, pas d'alcool, il me l'a dit. Hein. Non, pas du tout. Pas d'alcool, la sobriété de la chanteuse d'iPhone iPhone. C'est bon, Jeff. Bravo. Bonsoir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui chante pas. Il a passé son week-end en Normandie avec des potes. À ma demande, ils ont bien essayé de l'oublier là-bas, mais il est coriace. Il est rentré à d'autres vaches normandes. Il a eu l'air con au péage de Saint-Arnoux, mais il est là ce soir. C'est mon Bordas qui fait les réseaux sociaux. Bravo. Merci d'être avec nous comme tous les soirs. Je m'appelle Coé, nous sommes là. Restez là. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Les champions du monde de l'actu arrivent. SMS, 10 000 euros à gagner, c'est tout ce que je vous souhaite dans un instant. Nous parlerons des maillots 2 étoiles. Vous avez vu, si vous êtes fan de la Coupe du Monde et de l'équipe de France, ouais. Vous galérez à avoir les maillots 2 étoiles. On a nulle part. Les vrais n'existent pas, les amis. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure, je donnerai des petits conseils pour que ça se passe bien. Restez avec nous et on reviendra sur donc toutes les versions kids qu'on peut faire maintenant à la télévision. Ne nous arrêtons pas, les Voice Kids. Mettons du kids partout. Mais pour l'instant, champion du monde de l'actu. Le premier champion du monde est à Anthony dans les Hauts-de-Seine. On peut lui dire bonjour par la fenêtre. Salut. Bonjour. Vendredi soir vers minuit, un homme met la main aux fesses d'une femme. C'est lui déjà. Alors évidemment, c'est nul. Deuxièmement, c'est une agression sexuelle sur les femmes. Hein, je le dis, c'est pas simplement une main aux fesses. Et enfin, c'est interdit. Sauf que pas de chance, la jeune femme était une policière en civil. Elle l'a neutralisée et elle a appelé la police. Oh là là. Ah, ça c'est pas de bol. Hein. Quand ça veut pas. Ça veut pas. Alors je pense que le gars il doit être là. Il dit mais pourquoi? Je l'ai jamais fait. Il doit parler à sa main. Il fait qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, dire qu'en 2018, il y a des mecs qui croient que qu'en mettant les mains aux fesses des filles, ils vont conclure. C'est comme si une fille arrivait vers toi, elle te pince une boule, elle te dit « ça te fait plaisir de me voir, chérie ?» Non, ça marche pas du tout. Deux, deuxième champion du monde, un chasseur qui a été transporté à l'hôpital de Montpellier samedi. Pourquoi d'après vous? Vite, vous avez 30 secondes. Bah, il a tiré sur quelqu'un? Oui. Oui, mais pas vraiment quelqu'un. Un chien? Non. Non. Un membre de sa famille. Aucun animal n'a été blessé, aucun membre de sa famille. Il s'est tiré dessus? Oui. Ah, oh, il s'est tiré dessus? Le chasseur s'est blessé tout seul, il s'est tiré une balle dans le pied avec son arme. Le gars, je sais pas, le gars il devait être debout, il a dû dire, bah, il a bougé, hein, j'ai tiré. Bah, le gars il bougeait le pied comme ça, il dit, qu'est-ce qui bouge là? C'est quoi ça? C'est quoi? Bon, c'est du, il est prêt le lapin quand même, hein. Voilà. Bon, la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Bon, heureusement qu'il était pas en train de faire pipi. Hein, parce que ah non, non. Le super champion du monde. Lui, il est en Caroline du Sud, il est accusé de tentative de meurtre. D'après la police, il a tiré sur son jeune cousin après lui avoir interdit de manger ses chips au vinaigre. Pourquoi? Parce que le bruit. Le mec, il lui a dit, tu manges pas les chips au vinaigre, il a tenté, bam! Allez, au revoir. Ah bah, attends, excusez-moi. Mais quels cousins peuvent se faire ça entre eux? Il y a pas de cousins qui peuvent se... Ah si, si, peut-être eux. Alors voilà les Lopez et sa concute, là. On l'attend, les bonhommes, là. Qui vient nous conclure? On est la renforce, nous, hein. Eh, hey, on n'est pas du 63, on est du 58, nous, cousins. On t'encule, là, nez. Voilà, voilà. Il y a que ces cousins-là. Mais les autres, non. En théorie, non. Bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous. Je vous explique, je vous parle dans un instant des maillots 2 étoiles pour lesquels on galère, l'émission publique à 18h. Venez nous voir en public, coépublic@energie.com. Et bravo, vous êtes 2 800 000 à me suivre sur mon Facebook. Bravo, les amis, et merci à vous. Voici Drake. Trap money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. Hey. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. Hey. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card and a code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how to network, fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Minutes, vous entendrez Dadju, vous entendrez VG Dream, mais pas le t-shirt, pas le t-shirt. Et oui, parce que le maillot de l'équipe de France floqué des deux étoiles, c'est une tanasse, ah ouais, les amis. Ouais. Chez Nike, on se le dit, ils sont à la ramasse. Apparemment, pour la France, il en manquerait 200 000 pour Noël. Oh. Juste 200 000. Mais qu'est-ce qu'ils font, les petits? C'est les t-shirts avant, ah, les gars. Ah. Pas enfin, il y a eu. Enfin, d'habitude, ça allait plus vite que ça chez Nike. Qu'est-ce qui se passe? Tout se perd. Bah là, les gars, alors je vais vous dire un truc. Si vous m'écoutez dans la voiture, vos enfants vous ont demandé le maillot de l'équipe de France. Alors écoutez, Papa Coé, et ce que je vais vous dire là ne restera qu'entre vous et moi, les gens de l'équipe et ceux qui m'écoutent. Ne vous emmerdez pas à prendre le maillot officiel. Allez acheter le 1 étoile qui vous coûte déjà très cher. Ouais. Allez chez n'importe quel floqueur professionnel, demandez qu'ils vous mettent la même étoile et c'est réglé. Et vous offrez ça au petit et vous voyez du bonheur et une lumière dans les yeux de vos enfants plutôt que de dire papa l'a pas eu. Parce que chez Nike, ils s'en la ramassent. Non, vous lui offrez un truc comme ça. Ouais. Pareil, vous mettez un petit autographe dessus. Vous voulez un autographe de Kylian Mbappé? Bam, vous le faites vous-même. Vous marquez Messi. Gros bisous Kevin, signé Kylian Mbappé. Personne n'y voit rien. Le petit, il a des lueurs de bonheur dans les yeux. C'est vrai. Tu vois, vous écrivez Grassao Bassao, signé Neymar. Et hop, bim. Le petit dit papa, Neymar est dans l'équipe de France. Mais oui, ça passe. Ça passe. Et vous écrivez hey, ça va avec un S. Hop, Ribéry. Allez, bam. Tout ça, ça marche. Mais ouais, c'est mon conseil pour Noël, hein, si vous voulez avoir la paix. Bon, le hashtag d'aujourd'hui, c'est quoi, monsieur Bordas? C'est est-ce que t'as connu l'époque où? Dans quelle occasion on sort ce hashtag? Comme ça. D'accord, comme ça, c'était bien, c'est bien. C'est bien. Comme ça? Et ça, plaisir. Comme ça, Biribiri, on y va. Donc, répète le hashtag. Est-ce que t'as connu l'époque où? Est-ce que t'as connu l'époque où t'avais pas besoin de faire un prêt pour faire le plein de ta voiture? Ah ouais, c'est vrai que c'est cher. Putain, la vache. C'est vrai que c'est cher. J'ai halluciné ce week-end. T'as raison, c'est violent. C'est ouf. Non, mais maintenant, je demande ça pour Noël. Moi, j'ai demandé un baril. Moi, j'ai demandé 5 litres d'essence. C'est un beau cadeau et je crois que je vais chialer. Hein. Pour le peu qui est marqué gros bisous juste. Mbappé dessus, qui soit dédicacé le baril, je suis le plus heureux du monde, Stouf. Où tu pouvais rire de beaucoup de choses. Ah oui, c'était bien ça. Voilà. Nico, est-ce que t'as connu l'époque où les programmes TV s'arrêtaient à 23h? Et qu'ensuite il y avait des mecs chelous qui volaient avec leurs bras. Les mecs ils fumaient. Hein, ah ouais, c'était vraiment bizarre. Restez avec nous dans un instant justement le zap télé de Nico. Pas mal de bonnes nouvelles et nous reviendrons sur le sondage sexe des hommes et des femmes et The Voice Kids. Et bien nous on va aller plus loin. On va créer de nouvelles émissions avec plein de kids dedans. Vous voulez tout savoir? Restez avec nous. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only. SoCook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine? Chez SoCook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur SoCook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. SoCook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Les Electric Days arrivent chez Citroën et vous n'étiez pas au courant? What? Non mais mégawatt! Parce qu'entre C0, Imeari et Berlingo électrique, c'est le coup de foudre assuré. Alors maintenant, on fonce chez Citroën! Pendant les Electric Days jusqu'au 31 octobre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme 100% électrique Citroën à partir de 89€ par mois. Location longue durée 36 mois 20 000 km d'une Citroën C0 neuve après un premier loyer de 3 590€. Bonus écologique et prime à la conversion déduit sous condition de reprise. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën participant réservé aux particuliers. Détails sur citroën.fr. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, Hit Music Only. Intermarché vous propose d'écouter 1 plus 1 gratuit. T'attends quoi pour lancer la machine? Le dégel? Bah non, le gel. Dès demain, pour l'achat d'un gel lave-vaisselle concentré tout en un max finish, le deuxième est gratuit. C'est ça, les 4 semaines Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Flacon de 1 litre jusqu'au 21 octobre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 13 octobre au 10 novembre, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les roues complètes été ou hiver. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est l'opération beauté chez Carrefour. Pour un produit acheté, le deuxième est gratuit sur de grandes marques, comme sur le soin Diadermine. C'est génial! Mais oui, une crème de jour ou de nuit, c'est parfait pour ma mère. Résultat des courses, maintenant on nous prend pour deux sœurs. Dès demain et jusqu'au 29 octobre, c'est l'opération beauté dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Pour un produit acheté, le deuxième est gratuit sur de grandes marques, comme sur le soin Global Expert Fondamental de Diadermine. Carrefour. 50 ml, différentes variétés, modalités, liste des produits sur carrefour.fr. Direction la playa, on danse limbo bien fire. En cadence et hop, pas. Le soleil brille de mille feux, mais avec eux, on n'a pas le temps de se laisser bronzer. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. Je vois un panorama sur la mer et son sable. Une belle sirène, nos regards brillants. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Dans mon gamos, j'esquive les boss. Cool attitude, man, j'pense que j'suis le boss. Une princesse des îles, quand le prince opère. Titille, les deux vues on se perd. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. Je vois un panorama sur la mer et son sable. Une belle sirène, nos regards brillants. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Qui fait les bons bails, viens avec ma clique, mais si vous voulez. Nous qui voyager, nous qui voyager. Suive-moi, suive-moi, suive-moi, et suive-moi. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Journée commence enfin. C'est Coé, c'est le Bifort. 17h, 18h sur Énergie. Toute l'équipe est là sur Énergie, merci de nous rejoindre tous les jours et merci d'être avec nous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des bisous, si vous êtes en voiture, soyez prudents. Il fait un temps, mais un temps de ouf. Vous savez quoi, ouais. Le réchauffement climatique, ça fait chier, mais ça a du bon. J'ai honte de le dire. Je suis désolé pour les pingouins, mais quand même. Une petite terrasse au mois d'octobre. Non mais oh, franchement. C'est vrai. J'ai honte. On est à deux mois de Noël. Mais oui, j'ai honte, les amis. Ce sera la fin du monde, mais on mourra bronzé. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Avec des couleurs. Quand on arrivera là-haut, ça pire, ou je sais pas qui sera là-haut, dira les gars, vous avez un teint. Mais un teint. Vous avez votre mine. Oui. Quelle horreur. Stouf, alors j'essaie de vous faire rire, vous qui m'écoutez, mais j'essaie de faire rire Stouf, oui. Qui est en colère. Si vous n'avez pas vu mon Instagram, je vous explique. Son fils qui va à l'école, quel âge il a? 7 ans et demi. Son fils qui va à l'école, il en est depuis la rentrée à son troisième blouson qu'on lui vole à l'école. Mais il m'a pris pour Kiabi ou je sais pas quoi. J'en peux plus. Non, mais c'est pas de sa faute. Non, je suis au bout de ma vie. Franchement, je suis au bout de ma vie. C'est pas de sa faute. Mais qui. Non, c'est pas de sa faute, mec, mais on est quand même que mi-octobre. On a trois blousons en un mois et demi. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Peut-être qu'il a un de ses copains de classe qui vient avec trois blousons superposés. Il a déjà vu, non? Il a peut-être un copain très frileux. Mais pourquoi tu mets un blouson à ton fils alors qu'à la météo il t'annonce 26? Mais le matin il fait frisquet. Frisquet. Ouais, elle a pas tort, hein, cela dit. Donc je fais attention. Là, je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent dans la voiture. Ils font ah, bah il y a pas que moi quel problème. Voilà, voilà. Tu le déposes à l'école et puis tu. À l'école. À l'école. Et c'est sympa l'école. Non, non, mais demain je vais voir les surveillants. Parce que c'est pas eux qui l'ont. Oh là, je vous préviens les surveillants. Je sais pas dans quelle école il est. Stouffy Raptor débarque demain. Arrête. La terre va trembler. De toute façon, vous verrez votre verre d'eau comme dans Jurassic Park, le café va commencer à trembler. Ils vont dire oh là putain, elle arrive pour le blouson. Qui va lui parler, moi j'ose pas. Restez avec nous, le cache-cache dans un instant, peut-être 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS, le Zap Télé de Miko. Mais ouais. Donc The Voice Kids a bien marché. Mmh. Moi j'aime bien les jurés de The Voice Kids, j'aime bien Soprano, j'aime bien tous ceux qui sont dedans, ouais. J'aime bien Jennifer, voilà. C'est très bien fait The Voice Kids, mais il faut s'arrêter là. Faut pas que tout le monde ait l'idée de mettre des versions kids dans toutes les émissions parce que ça marche pas. Alors j'ai essayé de réfléchir, hein, parce que je me suis dit qu'on pouvait, il fallait peut-être aller plus loin. Je propose le meilleur pâtissier kid. Voilà, ce sera toujours la même épreuve. Le gâteau yaourt, comme ils savent faire que ça les gamins. Ce sera chiant, mais bon, ce sera ça. 4 bisous pour un goûter, c'est comme 4 mariages pour une lune de miel, mais c'est pour les enfants avec des chocobéennes et des pépitos. Rendez-vous en terrain connu kids, on met des gamins dans une boîte à striptease. Oh, incroyable. Les anges kids, 12 gamins demeurés qui se battent dans la piscine à boules d'un McDo. Un trésor dans votre coffre à jouer, pas mal. J'ai retrouvé les trucs. Je propose Youpala tricycle, c'est comme automoto mais pour les enfants. Avec le nouveau modèle à trois roues, magnifique. L'amour est dans le bac à sable. Bon, vous avez compris ce que ça peut donner. Cache-cache investigation. Bon, bah tout est dans le titre. Je suis caché. Ensuite, je propose qui veut gagner des hand spinners. Et on peut se faire un zone interdite kid avec vol de bonbons, pipi au lit, trafic de Beyblade. Notre équipe de la rédaction revient sur les grands phénomènes de société qui nous pourrissent la vie. Ils parlent tous comme ça, M6. Je peux faire la météo aussi. 1, 2, 3, soleil. Ils parlent tous comme ça, M6. Oui, c'est vrai. C'est fou, hein. C'est vrai. Moi j'y suis allé, je pensais que la standardiste allait me dire bonjour, vous voulez voir qui? Voici Dan Balan sur Energy, j'adore ce titre. Ready to drop, I do what your body won't say, nah, nah. We don't need much, I'm all that. Oh, mama, hey, I mix that waist with the rhythm with just her a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. Merci d'être avec nous dans un instant sur Énergie. Qu'est-ce que nous ferons? Nous avons le hashtag qui va cartonner, monsieur Bordas, vous êtes sûr? Bien sûr, il va cartonner. C'est tout ce que je vous souhaite. Le hashtag du jour, c'est... Est-ce que t'as connu l'époque où? Par exemple, vite. Tu comptais tes SMS envoyés pour ne pas dépasser ton crédit. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Tu m'écris, je peux pas, j'ai plus de forfait. Non, c'est pas plus. Je peux pas. Un autre, vite. Il y a Kevin qui nous dit, est-ce que t'as connu l'époque où Koué chantait Poubelleman? Bien sûr, la puissance du vide ordure. Et quand on réentend cette chanson, est-ce que vous vous souvenez qu'on avait fait une version spéciale de cette chanson? Eh mon pral, tout va gagner doublé. Oui, c'est vrai. Tout va gagner doublé. Eh oui, on en a fait de la merde. Alors restez avec nous. On l'a vendu surtout. Ça y est, on n'est pas fiers de tout. Restez avec nous dans un instant, la villa des animateurs. Toutes les stars de la télévision réunies dans un deux pièces. C'est là qu'ils vivent. Ils nous parleront de Danse avec les stars ce week-end. Qui est sorti? Moscato. Moscato. De toute façon, les deux gagnants, je vous les donne. La finale, je vous la donne. C'est qui? C'est Iris Mittener et l'autre, c'est. Clément Rémiens. Clément, je sais pas, les danseurs. Clément Rémiens, je crois que c'est ça. Le danseur est plus connu que lui. De Clément Rémiens. Voilà, deux finalistes, c'est eux. Vous verrez ce que je vous dis. Ah mais ça c'est sûr. Mais enfin, c'est sûr. En tout cas pour lui c'est sûr. Les autres sont là pour faire joli. C'est eux les deux gagnants, ceux qui dansent le mieux. Toujours verrez. Comme ça. Vous verrez, j'ai déjà les réponses. Bien sûr, tout. On s'occupera dans un instant donc le Zap Télé de Mico aussi, le sondage sur le sexe des hommes et des femmes. Vous avez tous votre enveloppe? Oui. Jusqu'à 10 000 euros, vous êtes inscrit au 7-10-12. J'appelle une jeune fille qui s'est inscrite. Si elle me trouve la bonne personne, elle peut gagner jusqu'à 10 000 euros. Mais quoi qu'il se passe, elle repartira avec des sous. J'espère pas l'enveloppe à 50. Ingrid! Oui! C'est Koé, on est sur Énergie. Comment ça va, Ingrid? Ça va super bien, j'attendais votre appel. Oh bah, écoute, ça tombe bien. Voilà. J'adore, j'ai joué. Oh, j'attendais votre appel. Ingrid? Ingrid? Non, je vais pas lui poser la question. Non, surtout pas. Ingrid, est-ce que tu travailles? Non, arrête! Mais je m'en tiens au travail. Je suppose que je n'ai pas cette question-là à la base. Bien sûr que si. Enfin, pour qui vous me faites penser? Bien sûr que si. Tu travailles, tu fais quoi? Alors, oui, je travaille et je suis étudiante en même temps. D'accord. Ingrid, est-ce que ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Eh ben voilà, donc ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Choisis-moi la bonne personne et gagne ce qu'il y a dans l'enveloppe. Stouff, moi-même, Bordas, Jeff, Bichette, qui rit comme un âne, Mico. Choisis-moi la bonne personne, on y va. Alors écoute, on va partir sur Jeff. Ah, c'est bien, il était content, il me disait juste avant, personne ne me choisit jamais. Mais oui, c'est vrai. Avec une dans la vie, personne ne choisit pas l'ami. Vite. Que ça va me porter chance. Combien? Oh, bien, allez. Joli, très joli, j'aime beaucoup. 500 euros. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, ça va lui faire du bien. Ma chérie, Ingrid, tu gagnes 500 euros. Ouais, 500 euros qu'on va t'envoyer dans quelques jours. Tu habites où? J'habite à Nantes, vers Poitiers. D'accord, on t'envoie ça dans quelques jours. Je te fais un gros bisou, Ingrid. D'accord. Ok, bah, c'est super, merci bien. À bientôt, Ingrid. C'est cool. Oui. Est-ce que tu aimes les fraises? Non, je poserai pas la question. Mais elle avait compris. En tout cas, c'est super. T'embrasse fort, bisous Ingrid. Merci, bisous. Ingrid. Ingrid, est-ce que tu aimes Eddie Depreto? J'adore. Ça tombe bien, c'est maintenant. Et pendant la chanson, est-ce que tu... Non, je dirai pas. Non, je poserai pas la question. Non. Bisous. Mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils raptaires et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Le débrief de Danse avec les Stars avec Jean-Marc Généreux tout à l'heure. On aura du Nico Saliagas, on aura du Patrick Sébastien dans la Villa des Animateurs. Mais avant de parler du Zap Télé de ce week-end, justement, on apprend au Pérou que l'élection du maire d'un village se décide dans une technique que j'adore. C'est quoi ? Oui, j'ai vu. À pile ou face. À pile ou face. Si, c'est trop compliqué. Les gars, ils ont fait un sondage, ils n'y arrivent pas. Ils ont fait des élections, ils n'y arrivent pas. Ils ont dit, on va faire à pile ou face. Eh bien, monsieur Macron, je sais que vous écoutez cette émission régulièrement pour vous détendre. Tous les jours même. Manu, t'emmerdes pas. Si tu galères à désigner tes nouveaux ministres, une bonne pièce de 2 euros et tu l'as, ton gouvernement. Allez, ouais, c'est réglé. Si le Pérou l'a fait. Ouais, attends, évidemment. On peut le faire. Allez, on y va. Télévision. Sur TMC, dans 90 minutes en 4, j'ai trouvé l'éducateur canin qui gueule plus sur les maîtres que sur les chiens. Franck forme en même temps l'animal et son maître. Passer une journée à s'éclater. Et puis, naturellement, les clients qui sont là, eux, ils vont prendre cher. Hein. Allez, Belly, fais le tour, dai. Mais non, tu fais la causette, là. T'es là pour bosser. Recule encore. Par le maître. Fais-les passer sur le côté. Non, je t'ai pas dit de tourner. Tu écoutes pas. Hey, je vais vous dire un truc. Moi, le mec, il me parle comme ça. Ah ouais. Je lui ramène la balle. Je lui ramène la balle, je me mets ben, papa en rond comme ça. Je fais non, j'attends. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me rouler? Rouler une patte? Ou qu'est-ce que je peux faire? Quoi d'autre? Alors, il n'y a pas que dans la télé-réalité qu'on invente des mots qui n'existent pas. Ça se passe aussi dans Motus sur France 2. Honorifié, H-O-N-O-R-I-F-I-E. Honorifié, c'est pas mal ça. Mais ça n'existe pas. De contraction entre honoré et horrifié. Voilà. C'est le mec, ça lui fait hyper plaisir, mais il est. Je suis honorifié. Il est magnifique celui-là. Ça arrive comme ça, des fractions de deux mots. Ça donne ça. Honorifié. Oui, bon, bah tu vas pas nous faire 2 heures, ça n'existe pas. Oh, il est lent, mais Caro, il est lent. Le mec, le mot, il n'existe pas. Oh, c'est marrant, honorifié. Oh, la lenteur de France 2, je comprends. Ah, ils sont pas prêts de le remplacer, Patrick, hein, je te le dis. Hein. Oh, pas content. Pourtant, il n'existe pas, mais il fait genre il existe. Oui. Ouais. Honorifié. Et samedi soir, dans On n'est pas couché, Michel Drucker était l'un des invités de Laurent Ruquier et il sait exactement ce qu'il fera pour ses 100 ans, sauf qu'il se trompe de date. En 2022, vous aurez 100 ans, donc en 2022, c'est ça. Et vous ferez un numéro de voltige aérienne à la télévision avec Lynn Renault. Oui. Tu n'auras pas 100 ans en 2022. En 32. Il n'aurait pas 100 ans en 2022. Si. En 32. En 2018. Mais c'est vrai, je fais le calcul, vous avez raison. 4 ans. C'est 2004, non, c'est 2000 quoi. Alors, je me suis trompé de... Vous êtes trompé de 100 ans. Non, je crois qu'il s'est trompé de 10 ans en 2022 ou un truc, ou 2032, ou 32, mais pas 22. En tout cas, je savais qu'il faisait vieux, mais à ce moment-là. Il sera encore là, Michel. Mais bien sûr. Mais Michel, il est fixé au canapé qui est soudé au mur ou à l'immeuble. Il bougera jamais. Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know. J'ai l'impression que dans un instant, on va entendre Dadju, Jane, VG Dream, c'est ça, je me trompe pas? Exactement. Le sondage sur les hommes et les femmes, les sondages sur les habitudes sexuelles des Français, vous êtes peut-être dans le classement, on en parle dans un instant, et on aura la compile de Patrick Sébastien. Alors justement, est-ce qu'il est dans la villa des animateurs? Qui a regardé Danse avec les Stars ce week-end? Non, j'ai pas vu moi. Un peu, moi non plus. Personne n'a regardé. Si, un petit peu la fin. Moi, je regarde pas, mais vous. J'ai regardé la fin. Alors? Bah écoute, Lio a dansé avec un ballet dans le. Lio, mais pourtant elle sait danser, non? Ah non, bah là non. Ah bon, ouais, ah, c'est non. Peut-être dur aussi. On a la villa des animateurs, on est connecté, on a qui en ligne en théorie? Oui. C'est bon. Normalement Nikos, on a Nikos. Nikos. Salut, vous m'entendez, Lélo? Oui. Salut, c'est Nikos, salut Agas, Lélo. Vous avez vu dans Dals, Moscato nous a quittés. J'ai envie de dire salut l'artiste. Hashtag Rib Moscato. Hashtag je suis Vincent. Hashtag tu l'as dans le cul, cette fois-ci c'est pas le balai. Ni le tien, ni celui de Lio. Vous avez repéré autre chose? Oui, absolument, Iris Machin là. Iris Mestener, quelle beauté, Lélo. Une nuit avec elle, je vous le dis, j'en fais la confidence, je tiendrai pas 50 minutes inside, je vous le dis. Ouais, ben, passez-nous un spécialiste, là. Vous avez Jean-Marc Généreux avec vous? Alors attendez, je vais le chercher parce qu'on l'enferme à la cave tellement il est fatigant. Quittez pas. Merci, moi, ça fait sympa de m'avoir libéré. Allez, vous m'entendez? Oui. Ça va, là? Merci, m'a libéré parce que là, il n'y a pas de château d'Ax en bas pour s'asseoir et là, je me mets à deux, j'aime pas ça. Ça va, les amis? Bonjour, Jean-Marc. Hey, samedi soir extraordinaire, on a tout eu, du rire avec Moscato, de l'émotion avec Basil Bouli, des érections avec Iris Mittener et ça! J'achète! Et ça! J'achète! C'est vrai que vous êtes plus Iris que Pamela, vous. Ah ça, 200%, Pamela, elle a une tête de poisson, vous voyez, c'est le problème. Quand elle fait une photo, elle appelle ça un selfie, chez bim! Pour cette vanne, je me mets à 10! Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Ça va les gars, c'est Patrick Sébastien, ça va? Bonjour Patrick. Ouais. Ah bon, j'ai pas trop la patate, je suis animateur-chercheur, là j'ai du boulot à trouver à la rentrée. Je viens de me faire virer de France Télé. Je sais pas si vous avez vu. Oui. Est-ce que je peux m'inscrire dans Danse avec les Stars? Je pourrais, je connais plein de danses. Je connais la Fou-moi-la, très bonne danse. Je connais la Oups, pas là, c'est bien aussi. Je peux la faire, je voulais que je vous montre. Oui. Je peux faire des portées si vous voulez. Non. Oui, pas vite. Ouais. Non. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Oui, je vous montre. Non, c'est pas drôle. Lyon. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières, déterminée. Elle agit, elle ne parle pas, Lyon affamée. Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer.

Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 30 novembre. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Alors, quoi de neuf chez Lidl ? Eh ben en ce moment, les tranches de gigot d'agneau 3 étoiles sans os sont à 4,99€ les 375 grammes au lieu de 6,19€. Moins de 5€ les tranches de gigot d'agneau ? Là, il y a un œuf. Mais sans os, vous êtes bouché ou quoi ? Comment ? Désossé, hein. Vraiment désossé. Désolé. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 13,31€ le kilo, origine Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni ou Irlande. Offre valable jusqu'au mardi 23 octobre. Pour votre santé, bougez plus. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Salut, moi c'est Lucas, Lucas Houtchou, je suis fan de pneumatiques et pas qu'un pneu, hein. J'en ai toute une collection. Alors quand j'ai su qu'en ce moment chez Citroën, ils mettaient la gomme sur les petits prix, en proposant le deuxième pneu toute marque à 50%, eh bien je suis parti sur les chapeaux de roue en profiter. Ça oui, des pneus toute marque à 50%, moi, Lucas Houtchou, je dis que c'est une offre super gonflée. Pff, d'ailleurs, j'y retourne. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 20 octobre sur l'achat de pneumatiques dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Mardi, il est arrivé un truc fou à Kevin. Il a été aspiré par un vaisseau extraterrestre. Si, si. Mais le plus fou, c'est que Kevin avait dans les mains une pizza large Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur Domino's.fr. Allez mamie, on passe la seconde là. Oh franchement, parfois je me demande si elle le fait pas exprès. Hein. Non mais arrête, t'es complètement malade là. Non mais regarde là, qui coupe une dinde aussi lentement? Qui? À ce rythme là, on va manger froid, c'est sûr. C'est pas possible. C'est pas ces 80 ans qu'on fête. C'est ces 100 ans. Par chance, on ne se comporte pas au repas de famille comme on se comporte sur la route. Au volant, restons calmes. Restons en vie. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Leclerc. Juliette, le 17 octobre. Ouais, bah quoi ? C'est la sortie de Deadpool 2 en vidéo. Génial ! Encore plus génial, 10 euros de réduction sur le Steelbook Blu-ray en édition spéciale Leclerc, avec le porte-clés de Deadpool. Oh, je prends le porte-clés. On verra. Du 17 au 30 octobre, le Steelbook Blu-ray Deadpool 2, édition spéciale Leclerc, avec 10 euros de réduction immédiate, est à 24,99€. Disponible en ligne et en magasin, voir modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc. Deadpool 2, le 17 octobre, dans mon salon. En octobre chez Ford, le compte à rebours est enclenché. Le monde n'a jamais connu ça. Serez-vous au bon endroit, au bon moment? En octobre chez Ford, profitez des Ford Days avec un crédit 0% sur l'ensemble de la gamme, ainsi que la TVA offerte. Les Ford Days, c'est chez Ford. Offre TVA sous forme de remise de 16,67% sur le prix hors option maximum jusqu'au 31 octobre. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 48 mensualités de 208,34€. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit jusqu'au 31 octobre, voir Ford.fr. À 18h sur Énergie, l'équipe s'agrandit. Coé passe en mode public. C'est pareil, mais avec toi dedans. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est une private joke. D'accord. Qui n'est pas drôle d'ailleurs. D'accord. J'ai pas compris. Non, mais on discute hors antenne de choses et d'autres. Et je reçois des textos. Qui n'est con. Je peux pas en parler. Mais... C'est si Alexa. Dans 7 minutes, il sera 18h. On sera en public pour l'émission en public en bas avec vous tous. On commencera par un. Il y a devine qui c'est avec pas mal de. Les auditeurs, ils vont vouloir savoir. J'ai mais ils pourront pas. Là, c'est pas possible. Voilà, écoute, on peut rire entre nous. Voilà, moi aussi, des fois, j'ai voulu rentrer dans une discothèque, je suis resté à la porte. Bon, bah voilà. Et bah, ça arrive à tout le monde. En parlant de ça, vendredi soir, après l'émission, je me sauve à Bordeaux. Oui. Vous qui écoutez Énergie Bordeaux, rendez-vous à la plage à Bordeaux. On va faire une soirée incroyable vendredi soir, un mix de dingue. Donc, vendredi soir, Bordeaux. Monsieur Bordas, on est numéro 2 TT France. Exactement. Allez, vite, quelques petits hashtags et j'ai un sondage sexe qui arrive. On a Marcel qui me dit: est-ce que t'as connu l'époque où tu soufflais sur les cartouches de jeu avant de les mettre dans la console? Ah ouais, la première Nintendo. On a eu ça, on a eu. J'adore. On a Lolo qui nous dit, est-ce que t'as connu l'époque où tu étais à la mode quand ton téléphone tenait dans une valise hashtag Radiocom 2000? Je l'ai eu, moi. Je l'ai eu, je la mettais sur les... Il fallait une deuxième table pour la mettre dessus. Oh, le frimeur. Ouais, c'était ridicule. On lira la suite tout à l'heure. Voici le sondage sexe du jour. Vous êtes nombreux à l'attendre. Oui. Je l'ai. Oh oui, vas-y. Ah, ah. Donne-le-nous. 16% d'entre vous, les filles, simulent. 16% simulent l'orgasme et font semblant de dire qu'elles aiment alors qu'elles n'aiment pas du tout. Eh ben, vous savez quoi ? Continuez de mentir, je m'en fous. Ça ne me dérange pas du tout. Faites-moi croire que je suis le dieu du sexe. Ne dites jamais la vérité. Continuez de mitonner. Voilà, c'est tout. Deuxième chiffre, toujours les femmes. 31% des femmes ont déjà une relation basée uniquement sur le sexe, sans sentiment. Ouais, c'est moche. Ça aussi, continue à me mentir, ça ne me dérange pas. Pas de soucis. Et à la cinquantaine, une femme a eu 8 partenaires sexuels, majoritairement des hommes, et 11 ont vécu des expériences homosexuelles. Ouh. Voilà, donc la cinquantaine, ça veut dire que leur mec devait s'appeler Henri, Jacques, Pierre, Feuille et Ciseaux, visiblement. Et enfin, passons aux hommes. 81% des hommes préfèrent les seins normaux, ni trop gros, ni trop petits. Oui. Oh, bah, c'est ridicule ce sondage. Là. Qu'est-ce qu'on apprend avec ce sondage ? Ni trop gros, ni trop petit, ni trop poilu aussi, tant qu'on y est. Voilà, enfin, évidemment, à choisir des seins. Quoi. Ouais, j'aime bien quand il y en a deux, moi. Mais oui, voilà. Ni trop nombreux, pas 12. Ouais, ou alors un chiffre pair, si possible. Et le dernier chiffre, 99% des hommes font quoi ? Stouf, je te laisse réfléchir. Allez vite. Il se touche. Absolument, c'est le bon chiffre. 99% des hommes se masturbent. Alors ça, c'est un sujet tabou entre hommes et femmes, hein. Voilà. Ça, alors, je vais rétablir la vérité. Aucun homme ne se masturbe. Non. Aucun homme ne va sur les sites porno. Non. Oui, non. Aucun exactement. Homme ne ment. Non. Tout ça étant dit, restez avec nous dans un instant la compile de Patrick Sébastien. Vous saurez tout sur le départ de France Télé. Comment? Mauvaise foi. Non, aucun homme ne ment. Il a raison. C'est les chiffres. Hein. Merci beaucoup, Bichette. Merci beaucoup. On a signé ton contrat, Bichette? Oui. C'est très bien. C'est Jane. C'est sur Énergie. Merci d'être avec nous tous les soirs. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Sébastien, donc c'est la dernière année sur France 2, puisque France 2 a dit qu'il ne renouvellerait pas le contrat. Alors, vous en pensez quoi, l'équipe? Très rapidement, vite fait, avant qu'on ait la compile de Patrick. C'est une bêtise. Oui, bêtise aussi. C'est une connerie, mais ouais. Bon, il a un peu ouvert sa bouche aussi. Alors, le problème, c'est que ça fait quand même des années qu'il lui demande d'y aller doucement, et ça fait des années qu'à chaque fois qu'il donne une interview, il peut pas s'empêcher de dire que Nagui, c'est de la merde, que Ruquier, c'est nul, et qu'il y a que lui qui marche, et que la direction comprend rien, et il était là un peu fort. Un petit peu. Oui. Mais comme quoi, ils l'ont viré par orgueil. Parce que vu qu'il marchait, tu vires quelqu'un juste parce qu'il te fait chier, c'est que tu prends pas en compte son travail. Oui, enfin, la réalité, c'est qu'il lui ont fait, il y a 3 ans, il avait 20 émissions par an, ça a été 14, là c'était 7, ça prenait quand même une pente. Mais garde ce qui marche quand même, tu vois. Ils l'ont pas. Oui, bah là, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ah, t'es fâché ? Oui. Après tout, voici la compile de Patrick Sébastien versus France Télé. Il a essayé de leur faire comprendre justement qu'ils étaient trop d'animateurs vedettes à France Télé. À caisse serrée, au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. La réponse de France Télé est arrivée. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Alors là, Patrick, il a senti le truc arriver. Il s'est dit, oh, c'est pas bon. Il a essayé de calmer le jeu. Il a envoyé des courriers d'excuses, mais voilà la réponse qu'il a eue. C'est chaud, c'est chaud. Oh, alors là, du coup, Patrick a tenté de se suicider à la piscine municipale. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. Et là, évidemment, à France Télé, toujours rien à foutre. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, c'est la galère, t'as pas fini de râler. Eh bien, rassurez-vous, Patrick va mieux. De toute façon, il a un petit secret contre le stress. Petite pipe avant d'aller coucher. Ça, c'était très France Télé. Restez avec nous. Merci. On est sur Énergie. J'espère que vous passez un bon moment à vous amuser tous les jours dans la voiture. L'émission publique dans 3 minutes. Le temps de descendre dans notre studio. Vous allez entendre, ça fait beaucoup de bruit. Merci d'être là. Le 9, c'est le 9 ou le 10 novembre ? Merci, Jeff. Pardon, de quoi tu parles? Qu'on sera à Cannes pour l'émission. Le 9, vendredi 9. Vendredi 9, en live du bas des marches, la veille des Energy Music Awards. Nous serons là-bas dès 17h. Toutes les stars que vous entendez sur Energy seront avec nous. Et si vous venez nous voir, donc vous aurez en plus, vous savez qu'il y a souvent les dernières places à gagner dans les émissions en public pour les Energy Music Awards le lendemain. Donc venez dans le public dès 17h, voire même un peu avant. D'abord, vous verrez les stars, vous aurez vos places pour les NMA. Et en plus, on vous donnera des places pour aller au concert qui a lieu juste après, au concert privé qui a lieu juste après l'émission. Oui. Très privé. Si vous êtes dans le public, vous pourrez avoir accès tout le week-end à tout. C'est pas mal, non? C'est très bien. Ça. J'ai une autre info, mais je sais pas si je peux la dire. Ah. Voilà. Mais je pense que oui. Bah, c'est confirmé. Regarde-moi. Je peux la dire. Tu peux la dire. Oui. Ah, celle-là, oui. Ah oui. Je pense. Je peux la dire, les amis. C'est confirmé. Ça s'est fait ici. Est-ce que vous vous souvenez du Paris où j'ai tapé dans la main des Black Eyed Peas pour leur concert au Zénith de Paris le 12 novembre. Oui. Eh bien, je vous confirme, c'est officiel. Je mixe en première partie des Black Eyed Peas au Zénith de Paris le 12 novembre. Ça, c'est beau, gars. C'est classe. T'as peur, hein? Pas du tout. Non. C'est eux qui devraient avoir peur. On va voir le niveau. Ça va être kiffant, les gars. Ah, c'est énorme. Voilà, le 12 novembre, juste avant en première partie du concert. Oui. Tu stresses pas, c'est vrai? Non, vraiment. J'ai hâte d'y être. Ça va être magique. On peut venir avec toi? Mais bien sûr, je vous invite. C'est vrai? J'ai pas d'invite encore, mais on va se débrouiller. Je prends de l'avance. Bon, restez avec nous. Il y a aussi le concert si vous êtes fan de Troye Sivan. C'est pas un humoriste, hein, parce que ça ferait pas beaucoup. Salut, c'est Troye Sivan. L'autre jour, j'entre chez moi, ma femme me dit. Ah, plus que 5 vannes. Plus 5 vannes. Arrêtez. Troye Sivan, c'est un chanteur. Je vous offre des places pour aller à son concert le 30 octobre à Los Angeles. L'avion, l'hôtel sur place. Il faut être évidemment majeur. Si vous voulez y aller, vous inscrivez sur Twitter, hashtag Koé offre-moi Troye Sivan sur Énergie, jeudi soir dans l'émission Tirage au sort, et vous partirez là-bas à Los Angeles le voir en concert. C'est bien, non? Ouais. C'est une tuerie. Et la bonne nouvelle, on est numéro 1 TT France ce soir avec le hashtag. Bravo, les amis. Vous êtes très forts. Vous qui m'écoutez, vous êtes très très forts. Ça sent les meilleurs auditeurs du monde. Ça sent, il va pas en rester beaucoup pour les autres. Pas faux. Pas faux. Je sais pas si c'est vrai, mais pas ça faux. Sent le pas faux. Bon, allez, on y va quelques-uns, monsieur Bordas. Ça va vous? Ça va très bien, en forme. Très bien. Monsieur Jeff aussi? Très bien, magnifique. Madame Stouff? Très bien, malade, Nico, ça va bien. Ça peut aller. Ça peut aller. On en est où, Stouff, de ton fils avec ses blousons? Je rappelle que son fils est revenu de l'école, c'est le troisième blouson qui revient sans blouson. L'enquête continue, les experts sont dessus ou pas? Mais oui, mais j'y vais demain matin, je t'ai dit. Hein. Grissom, il est sur le business ou pas? Grissom, tu vois, Grissom demain matin, ça va. C'est elle qui va enquêter. L'affaire se passe. Au collège, quoi? Ou l'école primaire? Ville d'Avray. De la ville d'Avray. Mais tu vas le manger, le pied demain. Qu'est-ce que t'as fait, les bousons de mon fils? Tu veux pas que je l'appelle? Ah, mais si! Passe-le-moi, je l'appelle. Après, allez, un petit coup de fil. Je l'appelle en. Mets-moi en. Ouais, mais je suis. Non, mais il est pas en téléphone, il est en. Quoi, il est pas en téléphone? Il est en pigeon voyageur, il est en quoi? Il est en Bluetooth. Il est en quoi, cet enfant? Il a pas de téléphone? Mais si, attends. Eh ben, si, il est mets-moi la aussi. Vidéo! Bah, je suis en train de le faire, la vidéo. Voilà, et tu lui dis, je te passe Koé. Tonton Coco. Voilà. Papa! Non! Il faut pas répondre, hein! Non! Ma marâtre qui m'appelle! Allô? Allô? Ça va? Tu m'entends oui, ou pas? Oui, ça va! Oui, mets-toi bien près du téléphone, je te passe Koé, d'accord? Voilà! Je te passe Koé! Non, je veux pas lui parler, il me fait peur! Ah non, c'est horrible, t'imagines! Attends, bouge pas, parle bien fort! Trop mignon! Voilà! Ça va, mon grand? Oui, ça va! Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ton blouson? Je sais pas. Bah oui, mais on te l'a volé ou tu l'as oublié? Je le sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est toi, je fais de la psychologie. À moi, tu m'entends là, je te parle qu'à toi. À moi, tu peux me le dire, tu l'as oublié. Hein? Non. Mais si, tu l'as oublié. T'as joué avec tes copains, tu t'es mis en t-shirt et tu l'as oublié. Non, il est trop mignon là. Je le jure à 1000%. Alors est-ce que tu connais le voleur? Ça fait 3 blousons quand même, tu sais. Ah, ça fait beaucoup. 2 blousons. 3 blousons. Maman dit 3 blousons. Mais non, elle compte avec le maillot de bain. Ah, il y a le maillot de bain. On t'a volé ton maillot de bain. Excuse-moi. Comment on peut te voler ton maillot de bain, mon grand? Ton maillot de bain, qu'est-ce que t'en as fait? Non mais ça c'était avant, il y a au moins 10 jours. Ah oui, il y a 10 jours. Ah bah là c'est vieux, alors c'est une vieille histoire. Oh ouais, bon, c'est lointain. Tu n'oublies plus rien, hein? D'accord. Dis je te le jure, Coco. Je te le jure, Coco. Allez, gros bisous. Est-ce qu'il a des amis? Voilà. Oh, tu, oui. Tu as des amis maintenant à l'école? Oui. Combien? Oui, j'en ai. Combien? 7. Eh ben, dans oh. un de tes amis, il y a un voleur. On va jouer à qui est-ce? Non, tu vérifieras. Dis-toi que c'est arrivé à d'autres avant toi. Je te fais un gros bisou. Regarde Jésus, il n'avait pas fait venir non plus. C'est vrai, hein. C'est vrai. Tiens, il pensait que c'était que, il pensait que c'était que des potes à sandales. Il a fait moins le malin après. Hein. Salut mon grand. Des potes à sandales. Bisous. Attention quand même, hein, perds pas le quatrième. Dans un instant, le devine qui c'est. Bienvenue sur Énergie. Dans un instant, nous aurons du Henri, de la Simone, de la Lucienne, de la Huguette. Vaste choix pour un lundi. Oh oui. Un arrivage frais. Pas frais, frais. Passez un bon moment avec nous. On est là jusqu'à 20h. C'est l'émission en public. Voici Calvin Harris et Sam Smith. Are you drunk or no? Now they judge what I'm doing. Are you high or no? To skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Tonight. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Qui vont venir nous voir dans quelques jours. Louane sera notre invité. Oui. Et un autre invité, mais j'en ai la date ou pas? Oh, oui, mais. Quoi? Ou de quoi? Tu parles de MHD? Bah ouais, bah c'est bien, après quel suspense. Elle sait tenir les. Elle tient les. Le suspense avec elle! Mais elle est incroyable! En plus, tu fais exprès. Allez, série policière avec elle, durant 3 minutes. Oui, on a la date. Bon, bah, les MHD Louane vont venir nous voir. Inscrivez-vous, Coé Public, at energy.com. Public at energy.com, c'est ça. Je vous lis quelques messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Et dans la foulée, il y aura le devine qui c'est. Alors, coucou Coé, une spéciale voisin un peu glauque, mais c'est drôme quand même. C'est du second degré. Je te souhaite un bon week-end. À lundi 17h, gros bisous. C'est d'Estelle. Alors, il y a marqué « Cher voisin, suite à une décision de justice m'interdisant d'approcher un mineur à moins de 30 mètres, mais quelle horreur. Merci de ne pas faire sonner vos enfants à ma porte. Oh, c'est glauque, ah non. Mais ça a l'air vrai. Parce que le mec, il dit suite à une décision de justice du 21 mars 2012. Oh. Non, mais c'est une vanne. Bah, j'espère que c'est une vanne, parce que bah, si oui, c'est vrai, faut être gonflé pour le noter quand même. C'est ouais, il prévient au moins. C'est le pépédophile du troisième. C'est ça. Quelle horreur, quelle horreur. Message de Idam. Salut Koé, ma mère m'a fait découvrir l'intervention de Thibaut à la radio. Je me reconnais dans tout ce que vous avez dit. Je suis une convaincue depuis longtemps. Je ne sais pas de quoi on parle. Alors Thibaut, de corrida, c'est... je crois. Ah d'accord. Ah, bon, nous allons souvent à des manifs anti-corrida. Ah oui, chaque jour on a quelqu'un qui est. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Merci pour eux, pour ces animaux qui meurent sous les applaudissements de ces sadiques. 42 taureaux morts à Nîmes au mois de mai. Vous disiez espérer que ces animaux ne soient pas sacrifiés tous les week-ends, et pourtant ça n'arrête pas depuis. Mmh. Kiss à toute la famille, et je sais, j'ai merdé sur la fin du message, mais c'est vendredi. Vive la France, vive la République. T'as pris pour le président. On continue. Message de Yegrem Mendes. Salut Koé, je m'appelle Elodie. Je suis revenu vous voir avec mon amie Amélie. C'était vraiment génial pour votre émission. On voulait juste vous remercier pour votre repas. On vous remercie beaucoup, vous et l'équipe, vous êtes vraiment génial. On vous adore. À bientôt. Gros bisous, ma belle. Mais on vous adore. On est venu. On ne s'écrit pas ONT. Je me dois de te le dire parce que. Une erreur peut arriver, mais 10 fois de suite, c'est plus une erreur. Vous êtes géniaux. Voilà. Ouais. Oui, mais surtout, ça encore, c'est pas grave. Mais on, ONT, ça passera pas, ça. Ça passera pas. Message de Clément Mbappé. Ah bon, il nous écoute. Il nous envoie une vidéo, une photo de lui. Il y a un écran qui mate le Facebook Live de la semaine dernière. Il me dit, mon chien, te regarde. Ok. Je suis ravi. Message de Stouff Off. Hein, c'est quoi, ça? Coucou Koé, c'est qui la ringarde? On dit bien les sauces et non pas les 5 SOS, on dit bien les 5 sauces. Ah, c'est toi ça? On dit les 5 sauces. On dit les 5 sauces. Non, on dit 5 SOS, je les ai reçus, je les ai dit 5 Elle SOS. Elle a enquêté tout le week-end avec des fans. Je te prouverai. Il y en a un qui dit, je viens d'écouter le replay du 9 octobre, on dit bien 5 sauces et pas 5 SOS. Ah non, ça se précise là. Non mais parce qu'ils ont changé. Mesdames et messieurs. Non, on disait 5 SOS. Oui. Et maintenant? Oui, mais si c'est comme Prince, il change 15 fois de nom, moi je me mets. Ok, d'accord. Dans un cas, demain, on mènera l'enquête. Okay. Five Sauce ou 5 SOS? Vaut mieux savoir comment ça se dit, puisque la semaine prochaine, on vous offre le concert. Hein. Restez avec nous, on vient dans un instant avec le Devine qui sait, à tout de suite. Vos stars énergie préférées vous attendent à Cannes. Soprano sur Énergie. Écoutez Énergie toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux titres de Soprano à la suite, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à la plus grande cérémonie musicale en Europe. Les Energy Music Awards, le 10 novembre à Cannes. Énergie. Hit Music Only. Dimitri est professeur d'université. Comme il habite loin de son travail, il a impérativement besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, elle a disparu. Voilà pourquoi chez GMF, si votre voiture est détruite ou volée dans les 4 ans suivant sa date d'acquisition, elle sera remboursée au prix d'achat. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 30 novembre. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Le goût subtil de la Saint-Jacques. Sa chair moelleuse et délicate. Juste poêlée avec une noisette de beurre. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de prendre le large. Pendant les jours C'est bon la France chez Picard, profitez de 20% de réduction sur de savoureux produits avec la carte Picard et moi, comme les noix de Saint-Jacques Pecten Maximus issues de la pêche française, à seulement 18 € les 400 grammes, soit 45 € le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, bougez plus. Les Electric Days arrivent chez Citroën et vous n'étiez pas au courant? What? Non mais mégawatt! Parce qu'entre C0, Imeari et Berlingo électrique, c'est le coup de foudre assuré. Alors maintenant, on fonce chez Citroën! Pendant les Electric Days jusqu'au 31 octobre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme 100% électrique Citroën à partir de 89 € par mois. Location longue durée 36 mois 20 000 km d'une Citroën C0 neuve après un premier loyer de 3 590 €. Bonus écologique et prime à la conversion déduit sous condition de reprise. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën participant réservé aux particuliers. Détails sur citroën.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Intermarché vous propose d'écouter son grand jeu anniversaire. Tenez Nathalie, voilà votre salaire d'octobre. Et puis voilà novembre. Et décembre.

que j'étais le DJ des Black Eyed Peas. Ça y est, c'est parti. Je vous ai dit que je mixais le 12 novembre. Non, tu es le DJ officiel. Il paraît qu'à l'heure qu'il est, les Black Eyed Peas sont en train de dire: est-ce que vous savez qu'on passe après Coé? Il paraît qu'il dit ça. Dans une interview aux États-Unis, je vous assure, le mec. Je vous jure. En fait, c'est un défi. Attends, ouais. En fait, ils font ta deuxième partie. Non, mais ça va être une tuerie. Si vous allez au Zénith voir les Black Eyed Peas, ça va être une tuerie. Oui. Vends-le comme ça. On peut te donner un défi pour quel ce est ce défi? Il faut que dans ton mix, tu places un truc genre une queue leu-leu ou un non, machin. Non, mais mec, mais t'es sérieux ou quoi? Mais bien sûr, je suis sérieux. Non, mais t'es non, mais c'est pas grave. Non, mais attends, de... mais je mixe au Zénith, je vais mettre une queue leu-leu. Mais fais tes soirées chez toi avec ta famille. Mais le Connemara. Le Connemara. Ouais, oui, c'est ça. Ni le Connemara, ni les blagues. Je mixerai comme je mixe vendredi à Bordeaux. Là, ça va être une tuerie. Voilà, ceux qui viennent me voir mixer, ils savent que je mets pas de queue leu-leu, monsieur. Ah, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu vas mettre ton jingle de une demi-heure? Oui. Nico, ouais, c'est. Je vais faire un plus court de 15 minutes. Rajoute des zéniths dessus. En tout cas, je suis très content, mais je suis très content. Ça, non, mais c'est énorme. Ça va être une tuerie. Non, mais ça. Surtout que ça part d'une vanne, quoi. Mais oui, ouais, c'est grave. Ça, plus allez vous voir pour le one man, les dernières dates de rodage avant Paris. Paris, c'est le 14 janvier à la Comédie de Paris que commence le nouveau spectacle qui s'appelle Coé 100% libre. Et avant, on ira se voir à Nantes. Nantais et Nantaise. Ensuite, ça va être Rouen et ça va être à Lille juste avant Noël. Dépêchez-vous parce que ça se remplit très vite et c'est pas des grandes salles. Juste, je voudrais vous lire dans tous les messages des auditeurs. Je voudrais vous lire le message le plus chelou de tous. Oui. Parce que j'ai pas trouvé de haters aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas de haters, mais un chelou. Et j'ai envie de lui venir en aide. Il s'appelle Jet, du 62. Hello tout le monde. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais toutes les nuits, environ vers 4h du matin. Le chien ? Mon chien se met à aboyer en japonais. Je l'ai lu, c'est énorme. Et je sais qu'il s'agit de japonais, car pendant très longtemps, j'ai regardé Naruto et Death Note. Donc, je suis quasiment sûr de ne pas me tromper. J'ai l'impression qu'il appelle à l'aide et qu'il voit des choses dans le ciel. Il dit en aboyant, deux points, « Watashi wa mono homiro », des trucs du genre « Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?» Merci à vous. J'attends vos retours. Alors moi j'ai mon chat qui miaule en espagnol, mais on a SOS psychiatrie, on a un numéro. Ah, on doit avoir, ouais, ça doit se... Alors non, mon chien c'est un bulldog français, donc il parle français. Ah, on indique pareil. Ouais, moi le nom est indiqué dessus. Hein, il a peut-être un bulldog japonais. Il a une copie Made in Japan. Mais... Non, effectivement, si ton chien à 4h du matin toutes les nuits dit Watashi wa mono homiro. Ah, effectivement, chelou. Ça peut être chelou, je peux comprendre. Chelou. Faut se poser des questions. Je sais pas, il est possédé, son chien, il a un truc. Mon chien parle japonais. C'est grandiose. Allez, on va se faire le devine qui c'est. Ensuite, faudra que tout le monde essaie de deviner en quoi on est aussi champion du monde, pas qu'en football. Devine qui c'est? Henri, Simone ou Lucienne? Allez, on y va. Lucienne. C'est parti pour Lucienne. Si ça répond pas, on enchaînera avec Simone. Si ça répond pas, on enchaînera avec Henri. Si ça répond pas, on finira à 23h. Et on finira dans la rigolade. Allô? Allô? Lucienne? Oui? Ah, bonjour Lucienne, devine qui c'est? Comment? Devine qui c'est? Attendez que je calcule. Ah. Je reconnais pas votre voix. Ah, bah si, devine qui c'est? Non. On se connaît bien. Comment? On se connaît bien. Qui c'est? Si je dis. Si vous dites pas votre nom, je peux pas savoir. Ah oui, mais si je dis qui c'est, et qu'ensuite je dis devine qui c'est. C'est la famille. C'est la famille? Oui. Je connais. Bah, la famille, qui ça peut être? Ma foi, à la Bédoule? Oui, à la Bédoule. Oh. Alors, ça te veut. Il y a Dallès? Non. Mon cousin? Oui. Il y a Thierry? Oui. Jean-Louis? C'est Jean-Louis! C'est Jean-Louis! C'est vrai? Mais oui, comment ça va? Mais ma foi, ça va. Ah, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. Eh ben, tu vois. Comment ça va? Ça va. Jean-Louis Cornin. C'est Jean-Louis Cornin, c'est le coup. Ben oui, c'est la famille. Je te reconnaissais pas ta voix. Hein. Ben, c'est le nouveau téléphone que j'ai acheté, c'est le Wiko, là. Ah. Sommevier, là, c'est n'importe quoi. Eh ben oui, ça va, Nina. Et toi, la famille? Ça va. De qui tu parles, de la famille? Eh ben, là, comment s'appelle? Chloé. Ah, Chloé, ça va. Ça va. Ça va. Pas tous les jours, mais ça va en ce moment. Mais tu sais, je reconnais pas ta voix. Mais je te dis, c'est le téléphone. Ah. Mais oui, tous les trucs spatiaux qui mettent dans le ciel, tout ça, ça retombe. Et ta femme, ça va aussi? Non, elle est partie. Ah. Elle a pas quoi, encore accouché? Ah, bah alors. Non, mais ça doit être dans. Là, maintenant. Hein. Oui. Dans quoi, 5-6 minutes? C'est vrai? Ah oui, là, ça va, là, c'est imminent. Dans 5-6 minutes, ça va, là, ça va arriver d'un moment à l'autre. Hein. Mon Dieu! Oh oui, oh là là! Et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Hein. Ah, vous le savez pas? Non, je sais pas. Garçon, fille, au Labrador, on prendra ce qui vient. C'est nous. Tu embrasseras bien Arlette, je te remercie d'avoir appelé. Eh oui, elle s'appelle Arlette, oui, c'est pas toujours ça. Hein. Tu veux être. Je t'appelais. Est-ce que tu veux être la marraine? La marraine de la petite? Oui. Mon Dieu, je suis vieille pour faire la marraine. Oh, mais t'as que tu donnes de l'argent. Il n'y a pas l'âge, tu sais, tu donnes ce que tu peux, hein. Des beaux cadeaux. Non, mais c'est pas pour l'argent. Mais si, enfin, bon. C'est ce que j'ai plus guère à vivre, moi. Eh bien, le temps qu'il y a, tu donnes. Voilà, ça fera plaisir à la petite. Tu dis, tu veux pas? Eh bien, écoute, je te donnerai la réponse. Bah oui, mais elle va naître dans 2 minutes 30 maintenant. Hein. Faut donner la réponse, hein. Non, t'as pas envie? Je veux voir avant. Tu veux voir si elle est moche? Si elle est moche, tu veux pas? Oh, pardi. Les petits sont jamais moches. Ah si, ah si. Ah si, Arlette, j'ai vu des photos dès le bébé, elle était moche. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ah non, si elle est fripée, t'en veux pas. Si elle est belle, tu veux. Ah non. Non, non, mais je veux voir le bébé avant. Bah oui, c'est ça, tu regardes si le modèle il est bien. Ma foi. Ah bah oui, tu vois, tu le fais. Allez, ça va, Nina. Bon, c'est pas Jean-Louis à l'appareil. Je le sais, bah. Ah bon, c'est qui alors? Ah, ma foi. Bah non, c'est pas ma foi non plus. Non, moi c'est Coé. Et on est sur Énergie dans toute la France. Ah oui? Bah oui, avec du public. On vous fait un bisou, Lucienne, on vous embrasse. Lucienne? Elle a eu peur. Encore une qui m'aime. Bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous. Rappelle Lucienne pour lui expliquer. Merci d'être là tout le monde, j'espère que ça va. Voici Soprano, j'adore ce titre. Est-ce que Soprano viendra nous voir quand on sera à Cannes, les amis? Mystère. Il va y avoir du monde qui va venir, ça va être énorme. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. D'où je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï laï laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. Maman donne meilleur conseil que la nuit en la vie, en l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit. heures. C'est Coé sur Énergie. On est là, merci d'être avec nous. Donc je vous le disais, c'est la bonne nouvelle du lundi. Louane est notre invité dans quelques jours. MHD aussi et pas mal d'autres surprises qui vont arriver. Bientôt Halloween va arriver. Il y en a qui font encore Halloween là. Vous faites de la déco et tout. Nous on va faire une émission spéciale Halloween. Je peux pas tout vous dire, mais je pense que les gens qui viendront dans le public feront une expérience avec nous. Je pense que ça va être magique. Non, cette émission, elle sera incroyable, je pense. Est-ce que ça va faire peur? Oui, je pense. Ouais. 2 800 000, c'est le chiffre que vous nous avez donné aujourd'hui sur mon Facebook, Coé officiel. Vous êtes plus de 2 800 000. Merci à vous tous d'être super nombreux. On va arriver à 1 500 000 sur YouTube. Monsieur Bordas, on y arrive quand à ces 1 500 000? J'ai regardé le compteur, on est à 1 476 millions. Précisément, moi j'ai les vraies stats en temps réel, on est à 1 497 millions. Alors expliquez-moi pourquoi vous avez les chiffres de la préfecture et moi j'ai les chiffres des syndicats. Qu'est-ce qui se passe? Ça va vite. Bon, allez, hashtag, va vite. Le hashtag du jour, on est toujours numéro 1. On est toujours numéro 1. Allez, numéro 1 TT France. T'aimes bien quand je me moque de Bordas? J'adore. T'aimes tous. Allez. Il y a 218. Monsieur, j'ai un gros plan dans 50 minutes inside. Le plan de couple le plus long du monde. On est passé dans 50 minutes inside. Enfin, nous, pas nous. Jérémy Frérot est passé et on nous a vu. Il paraît qu'il y avait un plan de tout en longueur, un plan séquence. On aurait fini jamais. On aurait cru un film d'auteur au Festival de Cannes. C'est ça. Qui a été du Jean-Luc Godard. Le gars, un plan séquence de Bordas faisant mine d'écouter. C'est vrai que. Et il en est tellement fier qu'il l'a mis dans sa story. Oh, rien, si je suis vidéogénique, excusez-moi. Vidéogénique. Oh là là. Qu'est-ce qui est arrivé à Patrick Sébastien? Il s'est fait virer. Réfléchis. On va passer au tweet. Vas-y, on continue. On a 218 qui nous dit: est-ce que t'as connu l'époque où tu pouvais appeler Coé pour 2,19 francs la minute à Allo Coé? Oui, moi je m'en souviens. Je m'en souviens de cette émission. C'était une émission que j'ai fait sur M6 pendant 3 mois et je peux vous le dire aujourd'hui, jamais autant fait chier de ma vie. Ah bah si, ça se voyait. Parce que c'était une émission où il y avait des clips. Mais non, mais il parlait une fois tous les 8 clips. Je m'ennuyais. En direct. Je m'ennuyais. C'était quoi le concept? Le temps que je te l'explique, j'étais déjà viré. Ça n'a pas duré longtemps et c'était pas très bien non plus. On continue. On a Mika qui nous dit: est-ce que t'as connu l'époque où ça se chinait sur Caramel? Caramel. Bien sûr, pendant que j'avais Tom sur MySpace. Oui. C'est quoi Caramel? Comment? C'est quoi Caramel? Un messenger de long. L'ancêtre de MSN. Un dernier, vite. On a David qui nous dit: est-ce que t'as connu l'époque où tu ne pouvais pas aller sur internet quand quelqu'un était au téléphone dans la maison? On a connu pire. Quelqu'un qui décroche, ça nique la connexion. Attends. Maman, raccroche. Quand t'étais sur le Minitel Rose et tout. Évidemment. Je vous pour vous rappeler qu'on va jouer au Qu'est-ce que c'est dans un instant. 0870 42 48. Il y a quoi à gagner? Casque Bose. Le casque Bose a gagné au Qu'est-ce que c'est. En gros, je parle d'un objet, vous le trouvez, vous racontez tout et n'importe quoi. Le premier des deux qui le trouve repart avec son casque Bose. Magique. C'est très bien, c'est super. 0870 42 48. On a lancé aussi un thème. Ce serait bien que tu m'en mettes deux l'un après l'autre. Ah, je te griffouille. D'accord. Tu m'en mets deux. On avait lancé un petit thème pour dire si vous vous êtes déjà ruiné pour quelque chose dans votre vie. La dernière fois, c'était quoi la dernière fois que vous êtes ruiné pour un truc? Mon divorce. Je le paye encore. Et tu sais de quoi je parle. Voilà. C'est ouf. Moi, c'était par amour. C'était quoi? Bon, je suis plus avec, hein, évidemment. Une grosse télé à 6000. Ah ouais, ça c'est romantique. 6000. Oui, bah oui. Mais t'en as des super à 400. Et lui, il t'offrait quoi, un frigo? Vous faites des beaux cadeaux romantiques. Voilà. Et puis un beau voyage. Voilà. C'est toi qui as payé? Et c'est moi qui ai payé. Waouh, wow. Ça c'est ouf. Bravo, ouais. Ça c'est bien. Mais il est parti avec une autre. Mais voilà. Oh là là, Fabien de Strasbourg, la dernière fois que tu t'es ruiné. Ça va, mon Fabien? Bonjour. Bonjour, hein. C'est pas bonjour, c'est bizarre ça. C'est bonjour, hein. C'était Fabien, la dernière fois que tu t'es ruiné pour quelqu'un, c'était quoi? Alors, c'était pour ma copine, c'était à ses 30 ans, mais je me suis ruiné, Coé, je peux pas te dire combien, 4000 euros. Et elle était pas contente. J'ai rêvé combien. Ou tu m'as dit, je peux pas te dire à combien 4000 euros? Il est énorme. En fait, il faut que je le dise. Non, mais t'as deux personnes dans ta tête. Je peux pas vous dire à combien, 4000 euros. Non, mais je peux pas te dire. Mais parce qu'en fait, je parle doucement, parce qu'en fait, elle est pas très loin. Et donc, elle sait toujours pas le prix. 4000 euros! Wow! Et c'était pour quoi? Et donc, du coup, en fait, c'était pour son anniversaire, pour ses 30 ans. J'avais commandé un traiteur, un DJ, l'alcool et tout. 4000 euros et. 4000 euros pour te faire traiter? Moi, je peux t'en trouver des gratuits. Hein. Voilà! C'est juste ce qui compte, on m'a dit. Non, c'est beau. Donc, le traiteur, le DJ, et alors, qu'est-ce qui va pas? Ça s'est bien passé. Bah, en fait, il y a juste sa famille qui s'est embrouillée durant la soirée à cause de ma famille. Ah ouais, mais ouais. Ça, y a toujours un tonton bourré qui fout le bordel, toujours. Voilà, c'est ça. Toujours. Et donc, du coup, en fait, ça a foutu la merde. Et 4000 euros, je te jure que... Il n'en démarre pas. Il est resté bloqué, ce chiffre. Hein. J'ai les boules, là. Ouais, je vois bien ton banquier aussi. Je te fais un bisou, Fabien. Je t'embrasse. T'es toujours avec ta chérie? Oui. Bah, c'est le principal, tu lui as fait un beau cadeau. Voilà. Bientôt, n'oublie Fabien. Pas que ça t'a coûté 4000 euros. Voilà. Récupère-les au divorce. Faut pas le dire trop fort. 4000 euros. Bisous, je t'embrasse. Laura de Paris, bonjour. Hein. Ça va, Laura? Bonjour. Laura, tu. Oui, ma chérie, on va très bien. La dernière fois que tu t'es ruinée, c'était pour quoi ou pour qui? Ah bah c'était pour mon amoureux. T'as vu, toujours hein. L'amour, oui. L'amour coûte cher hein. Oh oui. Ça fait faire des conneries, ouais, ouais. Effectivement. Remarque, être célibataire, ça coûte cher aussi, hein. Aussi. T'invites toutes les nanas, t'es pas sûr de... Bon, voilà hein. Ça peut coûter cher. Et donc, je t'écoute. Et donc, en fait, je me suis un petit peu ruinée parce que je lui ai offert une voiture. Ah oui, carrément. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est sympa. Mais c'était quoi comme voiture? Ah, c'était une C4. Enfin, je sais pas si on a le droit de le dire, mais... Oh, c'est trop tard, attention, si t'avais pas le droit. C'est pas des explosifs, ça, du C4? Non. Tu sens le mec qui a pas le permis qui joue à Call of? Alors c'est vrai que quand tu joues à Call of, c'est de l'explosif. Dans la vraie vie, c'est une voiture. D'accord. Okay. Je t'assure que les gens qui roulent en C4, ça tient bien. Les mecs qui sont en volant, ils nous écoutent, ils font ah non, ça explose pas, ça non. Ça, c'est... Ah ouais, d'accord, c'est tout l'inverse. C'est très tranquille, une C4. Et pourquoi tu lui as offert ça? Mais c'est cher en plus. Oui. Oh bah après, c'est vrai que. Pardon. Déjà d'une, je l'aime beaucoup. Oui. Donc voilà, c'était pour ça, mais c'est surtout parce que j'avais fait une bêtise. Donc j'ai voulu me racheter. Alors, est-ce que je peux te poser une question, mais qui est une question de mec? Oui. Laura, si tu l'aimes beaucoup, pourquoi tu lui as offert une C4? Tu l'aimes pas vraiment. Parce que en fait, ça, c'est une bagnole de... Elle va pas lui acheter une Porsche. Non, mec. Mais c'est assez rare, les mecs qui disent « Waouh, c'est quoi ton kiff ?» Je rêverais d'avoir une C4. C'est possible. Non, la C4, c'est la voiture de la nana pour emmener les enfants, la petite urbaine. Un mec, tu lui demandes ce qu'il kiffe, il va pas te dire une C4, il va te dire une Ford Fiesta, les SRX, je sais pas quoi. Les Polo, les tout ça. Hein. Ah ben je sais pas, il m'a dit que ça lui avait fait plaisir. Bah hein, il va pas te dire quelle bagnole de merde. Évidemment, c'est un cadeau. Vous êtes toujours ensemble? Oui, bien sûr. Il a toujours la voiture? Oui. En plus il a du mal à s'en détacher. Je te fais un gros bisou, Laura, je t'embrasse ma chérie. Mais c'est un beau cadeau, je plaisante. Bienvenue sur Énergie, qu'est-ce qu'on écoute? Imagine Dragons. Juste après, on aura pas mal de choses encore. On jouera au KCC 0870 42 48. You hold the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align, will heaven step in, will it save us from our sin, will it, cause this house of mine stands strong, that's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. the end is a bonus. I swear I'm gonna make it. I'm gonna make it. Sur Énergie, d'après vous les amis, la France est championne du monde évidemment de football. Mais on est champion du monde de quoi? Aussi, je vous laisse réfléchir. Mauvaise foi? Oui, non, oui, ça c'est moi. Bah la bouffe, la nourriture. Ouais, mais ça, ça compte pas, trop banal. Un sport? Je vous confirme, on l'est aussi, mais c'est. Il y a des chiffres qui prouvent qu'on est vraiment champion du monde de ce que la je veux pétanque. Dire. On picole? Non, je crois pas qu'on soit les champions du monde. Les Polonais sont plus forts que nous. Ah, c'est les médicaments, les antidépresseurs. Eh, pas du tout. Mais on est bien placé, je suis d'accord. Vite, il nous reste quelques secondes. La bouffe, l'endettement. Non. Happy hour, l'alcool. Presque. Presque, je viens de vous donner un indice. La consommation. Le tabac. L'iPhone. Les accidents de la route. Le tabac, rien, La fumée. Le cannabis. Les Français sont les plus gros consommateurs de cannabis en Europe, les amis. Ah ouais. 700 000 Français disent fumer quotidiennement, ça fait 5 millions d'usagers, 17 millions de personnes ont déjà essayé au moins une fois dans leur vie. Les jeunes de moins de 25 ans restent les premiers consommateurs. C'est ouf, non? Ah ouais. C'est ouf. Alors évidemment, il y a tout ce qui va avec. Hein. Les consoles de jeux, les ventes explosent. Les pépitos et les savanes de Brossard, ça va avec. Ah, vous le savez, les chiffres sont liés. A tout de suite, on est de retour. On aura le Qu'est-ce que c'est, on aura pas mal de surprises, ça se passe sur Énergie. Faux stars préférées reviennent tout à cœur. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards avec Refix.fr. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Salut, moi c'est Lucas Houtchou, je suis fan de pneumatiques et pas qu'un pneu, hein. J'en ai toute une collection. Alors quand j'ai su qu'en ce moment chez Citroën, ils mettaient la gomme sur les petits prix, en proposant le deuxième pneu toute marque à 50%, eh bien je suis parti sur les chapeaux de roue en profiter. Ça oui, des pneus toute marque à 50%, moi, Lucas Houtchou, je dis que c'est une offre super gonflée. Pff, d'ailleurs, j'y retourne. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 20 octobre sur l'achat de pneumatiques dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Oh chérie, j'ai vu une offre de dingue. On peut avoir la fibre avec la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. Ah ouais, c'est dingue. Mais ouais, et t'as plus de 270 chaînes incluses, un disque dur de 250 gigas. On peut pas louper ça. Ah non, t'as raison chérie. Allez hop, on les appelle tout de suite. J'ai pas de téléphone. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama, en ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Leclerc. Juliette, le 17 octobre. Ouais, bah quoi? C'est la sortie de Deadpool 2 en vidéo. Génial. Encore plus génial, 10€ de réduction sur le Steelbook Blu-ray en édition spéciale Leclerc avec le porte-clés de Deadpool. Oh, je prends le porte-clés. On verra. Du 17 au 30 octobre, le Steelbook Blu-ray Deadpool 2, édition spéciale Leclerc avec 10€ de réduction immédiate est à 24,99€. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.culture.leclerc. Deadpool 2, le 17 octobre, dans mon salon. Bon, tu me le files ce job? Pardon? On en est au troisième entretien. C'est bon? Tu le connais là mon CV? Tu veux quoi de plus? Tu veux mon groupe sanguin, ma couleur préférée? Non mais ça va pas. Non mais ça irait mieux si tu me faisais pas perdre mon temps. J'ai pas que ça à faire moi. Non mais franchement, mais regarde-toi! Tu ressembles à rien! Une chemise, ça se repasse mon vieux! Par chance, on ne se comporte pas en entretien d'embauche comme on se comporte sur la route. Au volant, restons calmes, restons en vie. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. On n'a pas tous les jours 20 ans. Alors chez Cdiscount, on a décidé de propulser des offres dingues tous les jours. Tenez-vous prêts. Aujourd'hui seulement, la TV Full HD 101 cm avec TNT intégré est à moins de 150€. Vous me recevez? 150€? Avec une offre aussi astronomique, c'est tout l'univers qui va vouloir en profiter. Alors prévenez-les tous.

bitches. Bitches. D'après les médecins, pour être en bonne santé, il faut rire au moins 5 minutes par jour. Avec Coé, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Ça va être long, mais c'est ça qui est bon. 17h-20h, c'est Coé. Vous avez le réflexe tous les soirs, 17h-20h. Merci d'être super nombreux et nous rejoindre tous les jours. Et ce n'est que le début. Je suis sûr que vous allez faire de cette émission l'émission numéro 1. Devant tout. Tu le sens, si? Quel frère. Ah, je le sens, les gars. Je le sens. Je pense qu'on a les meilleurs auditeurs du monde. On est classé combien avec le TT ce soir? On est toujours numéro 1. Vous voyez, rien que ça. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est pas vous que j'ai vu dans 50 minutes inside. Je peux avoir un autographe? C'est pas vous. Vous pouvez me faire un autographe, s'il vous plaît? Vous connaissez Nico? Il est sympa. C'est un ami. Ah, un pote. Allez, on y va. T'en veux quelques-uns? On y va. On a Caro qui nous dit, est-ce que t'as connu l'époque où les cagoules étaient à la mode l'hiver? Mes parents, ils me forçaient à mettre une cagoule et les soupules. Ça, c'est un truc des plus... Les soupules, que quand tu les enlevais, ça faisait des éclairs. T'avais l'impression d'être tort devant ta glace. Ah, ça gratte en plus. Ça piquait et tout. Oh, ah, c'était horrible. Ça avec l'étiquette avec ton nom. Mais oui. Ah oui. Tu vois, tu devrais mettre ça à ton fils. L'étiquette avec son nom. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ah bah ça marche pas. Bah visiblement non. On va mettre un GPS dessus. Il y a Kenny qui nous dit, est-ce que t'as connu l'époque où les films à la télé commençaient à 20h30 et non à 21h30? Ah oh, oui, c'était bien. C'est vieux là. Non mais il a raison. Il fut un temps, les films c'était 20h40. Ah oui, 45. Max. C'est vrai que là maintenant c'est un peu abusé quand même. 21h05, 21h08. Ah bah sur C8 ça peut être 23h. Hein. Ah ouais. On continue. Un film. Non, c'est vrai. Oui, mais bon, parce qu'il finit son émission tard. Ah parce qu'il finit tard. Mais même toutes les... Ah, tu finis tard toi. Ah bah je m'en bats les couilles moi. Je finis à 22h, quand je finis à 1h, je m'en fous, frérot. D'ailleurs, ce soir, je finis à 2h. Voilà, ils sont perdus, j'en ai rien à foutre. Vous l'avez énervé, maintenant. Il fait ce qu'il veut. Résultat, ça arrive. TF1, je les adore, ok. C'était de la Dark Arcade, la dernière fois, c'est tout. Ce soir, 2h. On continue. Il est kéblo. On a Carter Cash. Carter Cash. Il est à 2h, d'accord. Mais 2h, c'est tard quand même. Je m'en branle. Je m'en branle. Je m'en branle. Et alors, c'est vite, ça, moi. Et bravo pour. Bravo pour vendredi, Cyril. L'émission a bien marché. Balance ton poste. Et ouais. Génial. J'adore. Voilà. Balance ton poste. Le moine aussi avant, d'ailleurs. Ah bah là c'est un autre truc. C'est un ringard, celui-là. C'est une brêle, on est d'accord, c'est un tarbas, il est toujours dans mes pattes, il fait des scores de merde. Ah, c'est tout. Il y a des gens qui vont croire que Cyril fait l'émission avec toi tous les jours. Ah oui, on a tout le monde. Vous qui viennent, Cyril, d'ailleurs. On a tout le monde, on a Nikos, Lelo. On a Arthur, je suis sur le plan incliné, moi je me fais chier. Je glisse. Il y a tout le monde. Je vais aller me chercher, je suis en train de glisser. Bon, les amis, je crois qu'on va commencer par un moment un peu. On a deux moments lunaires. Oui. On va commencer par le moins lunaire. Que s'est-il passé il y a quelques minutes lorsque nous avions l'auditrice en ligne? Un oubli? Est-ce un vent? Est-ce un problème technique? Elle nous appelle de Paris. Quand soudain, nous entendons un bruit. Dans 50. Non, c'est pas ça. Et pourquoi tu lui as offert ça? Mais c'est cher en plus. Oui, oh bah après, c'est vrai que... Alors, un problème gastrique. Sur le moment, l'équipe a ri. Les gens nous ont signalé ce problème. Réécoutons. Est-ce un plat trop lourd? A-t-elle testé la bière au cassoulet? Est-ce un problème? Et pourquoi tu lui as offert ça? Mais c'est cher en plus. Oui, oh bah après, c'est vrai. Ça fait trois fois. Nous n'avons pas la réponse. Deuxième problème du week-end. Mais Kabu Santa, la chanteuse d'iPhone iPhone. C'est la plus belle vautrade jamais vue. À la peau. On n'a jamais vu un truc pareil. Je sais pas, je crois qu'elle est en ligne avec moi. Santa, tu m'entends? Allô? Est-ce que ça va? Ok, vas-y, mollo sur l'alcool. Hein. Bois du yaourt, comment il s'appelle? Le Candy? Le Candy, hop, c'est ça, allez. Et puis prends pas le volant, hein. Tu rentres à pied, tu rentres avec tes... Avec tes yeux, yeah, yeah. Allez, je vais te laisser, tu me rappelles quand tu veux. Ok, y a toi aussi. Allez. On connaît chez Chaim qui s'était jeté dans le vide, mais alors là... Ouais, c'est on lui fait un gros bisou d'ailleurs. Bah, voilà, celui qui chante, c'est celui qui boit pas, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit plein de fois. Et nous terminerons dans les histoires cheloues par celui qui entendait son chien aboyer en japonais. Nous l'avons eu il y a quelques minutes, il s'appelle Edgar, il est en ligne avec nous. Edgar. Allô. Salut Edgar, comment ça va? Bonjour. Salut, ouais, ça va, tranquille, et vous? Alors, magnifique Edgar. Edgar, revenons sur ce SMS, sur ce mail que tu nous as envoyé. Je ne sais même plus où il est. Non, même pas. C'est pas moi qui vous ai contacté, c'est une personne qui a transféré un message qu'elle avait vu sur un compte Facebook, enfin bref. D'accord. Alors attends, je l'avais classé. Je la déclasse. Je suis en train de le déclasser. Voilà. Alors, hello tout le monde. Donc, je sais pas si mon chien se met à aboyer en japonais. Et c'est ton chien, hein? Ouais, c'est mon chien. Qu'est-ce que c'est comme chien? Bah, c'est bizarre parce que c'est même pas un chien japonais, c'est un Yorkshire. Ah oui. Pourtant, il aurait dû aboyer en anglais. Bah oui. Bah ouais, ouais, justement. En plus, je comprends bien l'anglais. Enfin, bref, c'est bizarre. Bon. Et quand il aboie la nuit, il fait quoi exactement? Bah, en gros, c'est plus souvent vers les 4h du mat. Moi, je suis tranquille. Oui, parce que c'est ce que tu nous as dit. C'est 4h du mat précis, hein? Ouais, c'est ça. C'est tout le temps vers les 4h du mat. Enfin, 4h, 4h10 qu'on soit. Donc, c'est tout le temps à la même zone horaire. Mon chien, on a aboyé. Mais il aboie différemment de quand il aboie en journée, en fait. Il aboie vraiment. Parce qu'en journée, il aboie comment? En chinois. Bah, en journée, il aboie comme un chien ordinaire, en soi. Enfin, comme un Yorkshire, quoi. Voilà. Exactement. Et non, le soir, bah, souvent vers les 4h du mat, là, c'est assez fou, en soi. Il se met à aboyer beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif. Hein. Et au début, je me disais, bon, je sais pas, il a dû faire un mauvais rêve, un mauvais cauchemar. Bien sûr. Et ça s'est répété quand même plusieurs soirs d'affilée. Hier soir, ça l'a pas fait, bon, voilà, pas grave. Ouais, c'est et dimanche, en fait, en écoutant réellement ce qu'il disait en aboyant, parce que j'ai pris le temps d'écouter, hein, je me suis rendu compte que c'était des aboiements qui s'approchaient énormément du japonais, en fait. Alors, comment je pouvais deviner ça? C'est parce que bah, sur le message, hein, comme vous avez pu le lire, j'aime bien regarder les mangas. Hein, je pense que tout le monde a déjà regardé des mangas. Et je reconnais un peu certains mots en soi, le langage. Et donc tu penses que ton chien dirait? Ouais. Alors, je pense qu'il dit, bah, en japonais, c'est Watashiwa, et après, j'allais faire quoi dire Watashiwa mono umiru. Exactement, à peu près, ouais. Donc, on pourrait croire que c'est une attaque sortie tout droit d'une Naruto ou autre, mais non, même pas. Ça se traduit par quoi? Boule de feu. Ouais, à peu près, on pourrait dire ça, ouais. C'est boule de viande en japonais. Oui, Jeff. Mais je crois que c'est un plat, en fait. Il doit commander un truc, le chien. C'est pour ça plat, que tu lèves la main depuis 5 minutes? Ok. C'est ça, on en parlera après. J'ai été voir sur Internet, et en gros, ça voulait dire, la traduction, un peu à proprement parler, ça veut dire je vois des choses, ou regarde là-bas, je vois un truc. Donc, ton chien, tous les soirs, on résume, 4h du mat, en japonais, te dit regarde là-bas, je vois des choses. Ça paraît fou comme ça, mais... Alors, maintenant que tu sais qu'il te dit regarde là-bas, je vois des choses, est-ce que tu regardes là-bas? Bah, il m'a pas montré. Enfin, en fait, c'est pas montré. Mais si la patte! Sa patte! Avec la patte. Avec la patte, comme ça. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Du coup, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ouais, c'est fou, mais c'est chaud. Ouais, c'est mieux. Ouais, non, c'est assez chaud en soi. Et donc, du coup, voilà quoi. Donc, ce que j'ai fait moi le lendemain, c'est que je me remets à aider des mangas à fond, quoi. Voir au cas où s'il n'avait pas retenu une phrase d'un manga. Mais oui, alors c'est souvent les Yorkshire retiennent les phrases des mangas. C'est connu de la race. Ça dépend des séries, mais. Ouais, si, c'est vrai. Et donc du coup, ouais, non, j'arrive pas du tout à résoudre ce mystère qui, pour moi, est quand même assez fou. Merci. Écoute, Edgar, si on a un spécialiste canin qui nous écoute et de manga, canin manga, on essaie de voir. Pour l'instant, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, non, le bilingue japonais chien. Comment il va? Sinon, comment il s'appelle? Luffy, justement, c'est un nom de personnage de manga. Ouais, donc tout est lié, en fait. Ouais, c'est lié. C'est un signe. Je t'embrasse, Edgar. Non, c'est un chien. Ah, désolé. A bientôt. Mes amitiés, Lucie. Mais pense à regarder par là, hein, si tu te montres une direction. Fait... Ouais, j'espère que ce soir à 4h. Voilà, voilà. Et rappelle-nous, hein, si jamais. Bien sûr, enregistre. Enregistre. Ah oui, ah oui, carrément. Fais un Google Trad. Je vais essayer d'enregistrer. Ok, merci beaucoup. Tiens-nous informés. Merci. Dans un instant, le qu'est-ce que c'est. Florian va jouer avec nous. Bonjour, hein. Ça va, Florian? Bonsoir. Ok, d'accord. J'suis pas tout plan bête, t'as ma tête la fessée. J'réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. Et la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je veux que bon. Surprise aussi, venez nous voir, venez dans le public et faites comme eux, repartez avec des bagnoles, des champagnes, ils en peuvent plus, là ils sont gavés, hein, c'est vrai. Ah ouais. Ils adorent, ils mentent, ils sont top. Bon, en attendant, je fais un gros bisou, on aura dans un instant le balance ton pote, est-ce que vous vous souvenez le principe? Bien sûr. Le principe, c'est quelqu'un qui nous appelle pour nous dire, il faut que je vous balance quelqu'un qui fait un truc, et moi derrière dans la foulée, j'appelle. Dans un instant, on le fera après le qu'est-ce que c'est, mais juste pour teaser un peu, Sophie, tu vas balancer qui et pourquoi? Salut Koé, salut toute l'équipe. Bah, je vais salut balancer Sophie. mon beau-frère Philippe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le beau-frère Philippe? Il fait des trucs chelous dans les magasins de sport. Comment ça? Qu'est-ce que c'est des trucs chelous? Parce qu'il y a chelou et très chelou. Oui, hein. C'est ça. Bah, ça dépend de quel côté on se place, mais on va dire chelou. Mais chelou de quoi? C'est-à-dire? Faudrait être plus clair, parce que si je l'appelle en disant alors on fait des trucs chelous, il va me dire mais chelou de quoi? Je sais pas. Alors en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans des magasins de sport. De porc et de sport. Un magasin de porc, je sais pas que ça existait. Non, prendre celui-là, non. Il est rose, il me plaît. J'aime bien celui-là. C'est un beau garçon brun. Il va dans des magasins de sport et en fait, il repère les bottes de chaussures sur lesquelles se trouvent les antivols. Parce que de temps en temps, les magasins de sport mettent les antivols sur les bottes et non sur les chaussures. Ah. Voilà. Et en fait, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive avec ses chaussures aux pieds. Il prend les chaussures dans la boîte à chaussures neuve. Bichette vient de faire signe qu'il l'a déjà fait. Il met ses pompes pourries dans la boîte et il repart avec les neuves. Ouais, exactement. Et du coup, il ne se fait pas chauffer puisque les antivols sont sur la boîte et pas sur les chaussures. Il vole des pompes, quoi, pour faire plus. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est un voleur. C'est pas du vol, c'est du remplacement. Oui, ou de l'échange. Ou oui, enfin, c'est, ça, oui, du bon, travail. C'est censé être, ouais, un échange payant. On s'en occupe dans un instant. Je serai le responsable de la sécurité. Vous aurez 10 minutes pour me trouver un nom. Très bien, Bernard Basket. Allez hop, c'est parti. C'est parti. Pascal Like. Bertrand et Mouk. On y va. On a Floriane qui va jouer avec nous. Daniel, ça va les deux? Bonjour. Ça va, toute l'équipe. Bonjour, Floriane, tu es dans les Landes. À quel endroit dans les Landes? À Casse-Tête. D'accord. Est-ce qu'il fait beau à Casse-Tête? Oui. Casse-Tête? Oui. Alors, rien que pour trouver la ville, c'est. Cherche pas, tu trouves c'est pas. Une embrouille. Le GPS, tu tapes Casse-Tête, il fait non, je sais pas. Alors, voilà. Même le GPS, il dit moi-même, j'ai cherché, vieux, j'ai pas trouvé. Je laisse tomber. J'ai laissé tomber l'histoire. C'est par là. Il te fait un vague plan. Non, mais Casse-Tête. Casse-Tête. Tête. Casse-Tête. Oui. Mais pourquoi vous ne comprenez jamais. Mais pourquoi vous êtes les seuls à comprendre le nom de votre ville et que moi je ne les comprends pas? Casse-Tête, Casse-Tête. Oui, c'est ça. Casse-Tête. Casse-Tête. Casse-Tête. Comme un casse-tête. Comme un casse-tête, c'est comment ça. Comment ça s'écrit? C-A-S-T-E-T-S. T-E-T-S. Casse-Tête. Casse-Tête. C'est ça. Hein, plus. Okay. D'accord. Daniel, j'habite où? Salut, j'habite à Bourg-en-Bresse, moi. Voilà, plus simple. Voilà, ça. Voilà. Efficace. Daniel contre Floriane. Les amis, je vais vous offrir dans un instant peut-être le casque sans fil Bose qui est magnifique. Hein. Oui. Il est vraiment très beau, vous pourrez l'avoir, vous l'offrir à qui vous voudrez. Le principe est simple. Avec le Qu'est-ce que c'est, je vais vous donner des indices. Ouais. Je vous demanderai de me balancer tout ce qui vous passe par la tête. Ok. Mais tout, okay. Sans filtre. Parce que peut-être que là-dedans, il y a la bonne réponse qui arrive. D'accord. Si le premier qui a la bonne réponse, il gagne le casque Bose. On y va ? Allez, c'est parti. Premier indice. Ça monte. J'attends qu'elle passe. J'attends qu'elle passe. J'attends qu'elle passe. Ça y est, elle est passée. Oh ma mère. C'est pour ça que ça s'appelle casse-tête. Il y a que des mallettes, que des mobilettes qui passent. Casse la tête. Casse la tête toute la journée, man. Casse la tête. Ils sont jumelés avec Doliprane. Ça monte et ça descend. C'est le premier indice. Ascenseur. Non. Un chewing-gum dans un ascenseur. Un chewing-gum dans un ascenseur. Non. Un avion. Non. Quand ça craque, c'est gênant. Quand ça craque, c'est gênant. Quand ça craque, c'est gênant. Ça monte et ça descend. Un genou. Oui, quand ça craque, c'est gênant. Oui, c'est vrai. Mais non. Un escalier. Un escalier, ça monte et ça descend. Quand ça craque, c'est gênant. Un escalier qui craque, eh ben voilà, c'est pas ça. Des vitesses. Non. On continue. C'est toujours une peur chez les mecs. Ah, la bite. Mais depuis quand t'as peur de ton zizi, toi? Ça monte et ça descend. Ça vient de nulle part. Mec, il a quand ça craque, c'est gênant. Le gars, quand il va aux toilettes, fait. Ah, c'est à moi. Ah, j'ai eu peur. Chaque fois. Tu me fais peur à chaque fois, toi. Mais non, pas la bite. La bite, n'importe quoi. Non, ça, je sais que ça monte et ça descend. Ça craque. Ça craque. Ça craque. Un préservatif. Voilà, un truc intelligent, ça monte et ça descend, un préservatif, Badou. Non, ça craque un préservatif. Non. Oui, ça craque. Ah, ça peut craquer, ouais. Et ça, eh ben non, c'est pas ça. On s'en sert en faisant très très attention. Ah bah la Ah but du feu. Du feu. Mais... Non, mais c'est bien ce qu'elle dit, Floriane. Pour l'instant, c'est bien, mais non. Ça monte et ça descend. Du temps. On s'en sert en faisant très attention. Quand elle touche une partie de notre corps, on en frissonne. Une tondeuse. T'as des idées bizarres, hein. T'as une belle vie, hein. C'est ce qui lui passe par la tête. Non. Tu as dit quoi, Floriane? Quand on touche les fesses. Les fesses. Le les vent. Fesses. Les fesses qui craquent. Les fesses, non, le ventre, non. Et vous allez pas mieux. Non, mais si vous frissonnez quand on vous touche les fesses, moi je veux bien, Floriane. C'est pas les fesses. Attention, je vais vous donner le dernier indice, ça va aller très vite. Ah. Je préfère avoir des boutons. De la barbe ? On va pas y arriver, je crois. Je préfère avoir des boutons. Ça monte et ça descend. Ça, quand ça craque, c'est gênant. C'est toujours une peur chez les mecs. Ça peut devenir notre pire cauchemar. Les cheveux. Une braguette de pantalon. Mais oui. Mais bien sûr. Ça monte et ça descend. Hein, ça, quand ça craque la braguette, c'est gênant. Ouais. C'est toujours une peur chez nous les mecs quand on la remonte, parce que voilà. C'est vrai. Ça peut devenir notre pire cauchemar pour le but. Voilà. On s'en sert en faisant très attention. Quand elle touche une partie de notre corps, on frissonne parce qu'on a toujours un peu peur. Et puis, oh, je préfère avoir des boutons, des braguettes à boutons. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, Daniel. Daniel, tu m'as dit des cheveux. On peut revenir là-dessus? On s'en sert en faisant très attention, des cheveux. Ouais, mais on m'a dit tout ce qui me passe par la tête. Comme toi, j'ai bientôt plus de cheveux. Donc, du coup, ça fait peur, toi. Quand ça craque, c'est gênant. T'as les cheveux qui craquent, toi. Je craque des cheveux. Après, je réfléchis plus. En attendant, Daniel n'a pas réfléchi. Florian, on t'offre le casque. Bravo. Gros bisous. Je te l'envoie à prise de tête là. Comment ça s'appelle ta ville? Prise de tête. Casse-tête. Avec un casque beau, c'est une bonne pub. Exactement. Casse la tête ton casque. Gros bisous Florian, je t'embrasse fort ma belle. Merci beaucoup. À bientôt. Jouez avec nous tous les soirs 0870 42 48. Et donc dans un instant, nous allons mener l'enquête. Et nous allons avoir ce mec qui pique des chaussures. Il remet ses vieilles pompes dans la boîte. Il prend les nouvelles, ça s'appelle voler. On en parle dans un instant, à tout de suite. Tous les matins avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est comme ça. Vous pouvez ajouter une seule chose dans votre maison ou votre appartement. C'est quoi, Paulette? Un dressing. Une pièce dédiée à mes fringues avec des spots de toutes les couleurs et tout est trié par couleur avec les chaussures. Okay. C'est vraiment un truc que vous avez dans le crâne. T'imagines une pièce où on vous embête plus, où on s'enferme et on vit des moments merveilleux sans vous. Moi, je l'ai déjà, ça s'appelle les toilettes. Manu dans le 6-9. Manu-Énergie. 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, moi c'est Lucas, Lucas Houtchou, je suis fan de pneumatiques et pas qu'un pneu, hein. J'en ai toute une collection. Alors quand j'ai su qu'en ce moment chez Citroën, ils mettaient la gomme sur les petits prix, en proposant le deuxième pneu toute marque à 50%, eh bien je suis parti sur les chapeaux de roue en profiter. Ça oui, des pneus toute marque à 50%. Moi, Lucas Houtchou, je dis que c'est une offre super gonflée. Pff, d'ailleurs, j'y retourne. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 20 octobre sur l'achat de pneumatiques dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Ton séjour avec ses murs de couleurs sublimes et en harmonie avec ma déco. Il a dû te coûter cher le décorateur. Le décorateur, c'est moi. Et les peintures colorissimes V33. Toi et V33? Oui, et en un week-end, sans couleur tendance, une peinture multi-support facile à appliquer. Je vais faire pareil à la maison. Peinture colorissime V33, toutes les couleurs de vos projets. Retrouvez la gamme colorissime V33 en magasin. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW par des spécialistes. BMW Service, des experts passionnés au service de votre BMW. Et jusqu'au 14 décembre, profitez de tarifs préférentiels si votre BMW a plus de 5 ans et de 50 euros de remise supplémentaire pour tout rendez-vous en ligne. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération. Détails sur bmw.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Jusqu'à 1500 euros de remise immédiate sur votre cuisine. Joyeux anniversaire. Jusqu'au 29 octobre, c'est l'anniversaire des prix bienfaits chez La Paire. Et on vous offre jusqu'à 1500 euros de remise immédiate sur l'achat de votre cuisine. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Picard. La tarte tatin juste tiède. Les quartiers de pommes légèrement caramélisés. Et la pâte pure beurre qui croustille. Je ne sais pas vous, mais moi, autant de douceur, ça me renverse. Pendant les jours C'est bon la France chez Picard, profitez de 20% de réduction avec la carte Picard et moi sur de savoureux produits concoctés en France, comme la tarte tatin 6 parts à seulement 3,96€, soit 6,60€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Vous passez souvent tout près des femmes et des hommes qui travaillent pour vous sur les routes. Pour leur sécurité comme pour la vôtre, soyez toujours attentifs. Sécurité des agents des routes. À vous aussi d'écarter le danger. Muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Tú no estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balcón. Si vous voulez être dans le public, venez, venez, venez, Koé, public at energie.com ou sur tous les réseaux sociaux, sur mon Facebook, mon Twitter et tout. Vous nous dites, je veux venir, j'ai envie de venir. Vous inquiétez pas, il y a toute une équipe de bras cassés, mais très sympa, qui vous répondra, qui prendra la date et vous inquiétez pas, qui oubliera de vous rappeler. Donc, c'est bien vendu. Le nombre de gens qui me disent, ouais, j'ai envoyé les mails, j'ai jamais eu de réponse. Ah ouais, on devait me rappeler, on m'a pas rappelé. Ah bon, j'en lis tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Vous savez que je suis fier, à partir du 14 janvier à la Comédie de Paris, on va être pour le One Man, ça s'appelle 100% libre. Donc venez nous voir si vous habitez, même si vous n'êtes pas de partout. Paris, venez nous voir, c'est à côté de Pigalle, la soirée sera sympa après. Voilà. On a mis des places de spectacle pas chères, c'est à partir de 18 euros, une misère. Ah ça va. Mais oui. Ah franchement ça va. De toute façon c'est trop, après tu peux pas mettre non plus trop cher, c'est une escroquerie. Et il invite à bouffer après en plus. Voilà, ouais, non, c'est vrai. Déjà je te gère toi, c'est beaucoup. Donc, donc allez-y, venez nous voir, ça nous fera très plaisir. On passera par Nantes. C'est non. À quel endroit? À la Compagnie du Café Théâtre les 23 et 24 novembre. Bon, trois fois en deux jours. Ah, ouais. Dernier tour de piste avant Paris. Ensuite c'est Rouen. Rouen 14 et 15 décembre au Théâtre à l'Ouest. Voilà, on n'est jamais allé à Rouen, donc faites vite, dépêchez-vous aussi. T'as une mémoire, oui. Heureusement que t'es là. Hein. Lille. Ouais. Lille les 21 et 22 décembre au Spotlight. Voilà, bim. Allez, Samuel, avant qu'on ait le balance ton pote. Samuel, pourquoi tu t'es ruiné? C'est un peu le thème de la soirée. Je crois qu'il y en a qui sont ruinés aussi dans le public pour quelque chose. Raconte-nous, toi, Samuel. Salut, Koé. Salut, l'équipe. Salut, salut, Samuel. Salut. Hello. Raconte-nous. Alors, moi, je me suis ruiné tout bêtement parce qu'en fait, ma belle famille ne m'aimait pas trop. Pour quelle raison? J'ai voulu. Parce qu'ils ne voulaient pas du tout qu'on soit ensemble avec leur fille, quoi. Pour quelle raison? Couple mixte. Ah, ah. Couple ouais, mixte. Ils étaient contre le couple mixte et puis. Au final, on a réussi un peu à les convaincre, on les a un peu forcés. Ils n'ont pas eu le choix, quoi. Bon, voilà, ils n'ont pas eu le choix. Mais bon, j'ai toujours pas compris. Non, j'ai pas compris, excusez-moi. Non, attends, pause. Attends, stop, stop, stop. Le mixte, un garçon et une fille, c'est mixte. Ouais. Culturellement. Oui, mais culturellement. Ça, ah, peut, être, ça peut être la religion. Ça peut être l'argent. Alors, c'était quoi le problème? Le problème, bah, c'est ouais, c'est, pas, ouais, religion et couleur de peau aussi, je pense. Ouais. Alors, qui est de quelle couleur? Non, je veux tout savoir, moi. Ouais. Ouais, je veux tout savoir, sinon je comprends pas. Je suis sénégalais, donc je suis noir. Ah oui, ça, j'avais fait cette déduction, oui. Voilà. Je l'ai fait rapidement, hein, mais j'avais. Et elle était donc pas noire. Voilà, voilà, tout à fait. D'accord, et donc la famille Le Pen ne t'a pas accepté. T'aurais dû avoir un doute avec le nom de famille quand même. T'aurais dû te dire, oh, est-ce qu'ils vont me prendre tout de suite dans leurs bras? Il y a un indice. J'ai l'impression que papa me regarde d'un mauvais œil. Ah, seul. Ah, tu vois, non, Samuel, il y avait des indices quand même. Hein. Bon, en gros, il t'aimait pas. Tu l'as senti direct? Ouais, dès le départ, j'ai vu qu'il m'aimait pas. Je l'ai senti, à la première poignée de main avec le beau-père. Ah, ça doit être dur. Qui m'a serré vachement fort. Ah ouais. Pour m'impressionner, on va dire. Et puis la belle-mère qui voulait pas me faire la bise. Ah. Oh là, ah oui, là. Ça c'est un signe. Embrassez-moi. Ouais. Non, non, non, non. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi? Oui, c'est ça. C'est ouais, grave. Ou Muriel Robin, mais il est noir. Ça. Noir. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oh mec, ça doit être horrible ce que t'as vécu. Là, on prend la rigolade, mais quand t'as les beaux-parents. Ouais, ouais, déjà, l'épreuve des. Compliqué. Non, mais les beaux-parents, c'est toujours une petite épreuve. Mais oui. Si en plus. Ah ouais. Ouais, ça c'est. Ça, ouais, c'est un peu galère. Bon, et donc. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de. D'adoucir un peu le contexte? Je les ai tous invités dans mon pays d'origine, donc au Sénégal, à Dakar. Tu as invité? Oui, mais alors attends, je vais essayer de prendre une formule simple. Mais s'ils sont racistes parce que tu es noir et que tu les emmènes dans un pays où. Ouais, est-ce que tu cherches pas je te laisse finir la suite, mais est-ce que c'est le bon endroit? C'était pour justement. Leur faire comprendre que voilà, il n'y avait pas le Dieu d'être, quoi. C'est pas la peine de. Ah oui, mais ça, mon ami, malheureusement, le racisme bête et méchant, il est bête et méchant. C'est-à-dire que souvent. Je ne veux pas traiter de raciste, hein. De toute façon, ils m'écoutent, mais. Oui, enfin, quand la mère refuse de t'embrasser pour la couleur de ta peau, moi, j'ai pas d'autres mots. Enfin, avant que. Bon, après, peut-être que j'avais chanté peut-être un peu mauvais, je sais pas, rien. Vous l'avez un air blessé, je revenais d'un foot. Bon, et donc, tu les amènes au Sénégal. Bon, voilà, je les invite tous au Sénégal et je me suis réuni là-bas avec les hôtels 4 étoiles, les activités, vraiment un peu de tout, quoi. Tu les as achetés, quoi. Ouais. Enfin, en théorie, donc, ils vraiment... y sont allés, ils ont dit oui. Bah ouais, tout serait payé, forcément. Ah bah oui, là, tu m'étonnes. Bah non, il est bien, Sophie. Je suis désolé, si la famille elle est raciste, tu leur proposes un voyage au Sénégal. Non, non, non, non. Je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Non. La Suède, oui. Au final, je pensais que ça allait changer quelque chose, mais pas grand-chose, quoi. C'est toujours. Ah donc, t'as voulu un peu la même merde. Bon, et ça s'est terminé comment? Bah, ça s'est terminé que je me suis retrouvé à découvert. Et est-ce que ça allait mieux avec les parents? Non, pas du tout, non. Pendant le voyage, ça allait. Ils faisaient semblant de m'apprécier. Et puis, une fois arrivé sur le sol français pour le retour à Charles de Gaulle, c'était limite pareil, hein, ils m'ont pas dit au revoir. Non, il n'y avait aucun remerciement, c'est vraiment, mais là c'est même plus un peu de racisme, là c'est manque c'est de savoir-vivre, c'est des ploucs. Ouais, c'est oui, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, bah, ouais, je pense que c'est un peu de manque d'éducation, quoi. Et alors ça s'est terminé que alors maintenant t'en es où? Maintenant bah, ma copine elle est enceinte. Aïe aïe aïe! Les problèmes ne sont pas finis! Mais vous êtes plus ensemble! Non, on est plus ensemble! Et les parents? Ouais, elle est enceinte, et puis bah, du coup, j'ai l'impression que l'arrivée du bébé a adouci un peu les câbles. Voilà, c'est bien. On va voir. Tout est bien qui finit bien, c'est une bonne chose. Je te fais un gros bisou, Samuel, c'est très bien, tu viens de traiter de plouc pendant 10 minutes. Et de raciste! Génial! Tu viens d'être de raciste et de plouc, je pense que s'ils écoutent, ça va radoucir, effectivement. A bientôt, Samuel. Samuel, bon courage. Dans un instant, le balance ton pote avec Sophie, reste avec nous. On est sur Énergie, je m'appelle Coé. Hey, le double hit peut tomber d'un moment à l'autre. Ça, c'est pas Soprano. Mais si tout à l'heure, il y a deux hits de Soprano, tout frais payé, vous partez faire un tour au Énergie Music Award, vous serez avec nous, vous aurez la cérémonie et la totale. Words are loud. When I'm listening, I'm not pretending. Ça va aller plus, on va vous parler des NMA, des Energy Music Awards, parce que c'est les 20 ans, parce qu'on va y aller, parce qu'on va faire une belle soirée et qu'on va vous faire une émission incroyable avec toutes les stars que vous entendez. Vous entendrez ça, vous verrez ça en live sur les Facebook, etc. Surtout Insta. Surtout Insta, on vous fera, suivez-moi sur Instagram, Koé officiel, on vous fera plein de coulisses. Et puis on fera une émission de télé qui captera toute l'émission de radio, où vous verrez les meilleurs moments, plus plein de coulisses, plus plein de conneries. On aura certainement Shawn Mendes dans l'émission. Voilà, je peux pas, ça va être énorme. Est-ce qu'il y aura Bordas en plan de coupe pendant 10 minutes? Oui, j'ai l'intention de mettre une caméra fixe sur lui. Ah, génial. Et que toutes les stars passent en deuxième plan derrière Bordas. Voilà. Une œuvre d'art vivante. J'ai rien demandé pour le coup, ça m'énerve. C'est ça qui est dans, c'est ça qui est génial. C'est pas grave, c'est une blague. C'est une blague. Tu devrais être content, mec. Monsieur, tu es passé dans. Tu as eu ton 50 minutes inside. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit. Oh. Ça, voilà, allez. Ah, Dino, ouais, le téléphone a sonné. Moi, j'ai même eu des gens qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, c'est qui le mec à la guitare dans le 50 minutes inside de Bordas? J'ai dit, c'est Jérémy Frérot. Ils m'ont dit, on ne connaît pas. C'est fou, c'est fou. On peut se mettre à la place de ma maman. Elle regarde la télé, tout d'un coup, elle voit ma tronche. Bah oui, oui, bien sûr. Mais donc, ça fait bizarre, oui. Elle a trouvé ça dur. Elle sait que tu passes à la radio tous les soirs. Bon, en attendant, les amis, merci d'être avec nous ce soir, on passe une belle émission, on aura pas mal de surprises. Vous savez qu'on a, quand même lancé le sujet de ce soir, de pourquoi vous vous êtes déjà ruiné. Oui. On a dans le public aussi des gens qui veulent en parler, parce qu'à la base, ce qui nous a donné l'idée, c'est l'info de DJ Khaled. Ah oui. Vous voyez qui c'est DJ Khaled? C'est le producteur américain. Et aux États-Unis, voilà, quand t'es producteur en France, tu fais de la musique, tu vas gagner ta vie. Ouais. Aux États-Unis, quand t'es producteur de musique et que d'un seul coup ça marche pour toi, tu gagnes ta vie de façon indécente. C'est-à-dire que c'est des dizaines de millions de dollars qui tombent. Et pour fêter les 2 ans de son fils, il a loué un stade de baseball. Voilà, et il a privatisé le Marlins Park de Miami pour le deuxième anniversaire du fiston. Bon, bah, qui est là, qui piche que dalle, hein, qui a qu'une envie d'aller dormir. Bah, ouais. Et il a invité 250 enfants défavorisés pour venir s'amuser. Ah, ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 250 sur un stade complet. Bon, ça fait un peu rare, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. C'est comme si moi j'invitais 30 personnes au stade de France. C'est bien. Ouais, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Je peux faire un peu plus, mais c'est bien. C'est bien. Voilà, donc lui, il s'est ruiné pour l'anniversaire du fiston. Sophie, je rappelle, tu es toujours là, Sophie? Oui, je suis toujours là. Ton ami Philippe, donc, tu nous as balancé qu'il prend des chaussures. Je rappelle les faits si vous venez de nous rejoindre sur Énergie. Il va dans les magasins Go Sport. C'est précis, c'est Go Sport. Ah bon, balance, on balance, balance. Rien à foutre. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Bah, je sais, j'ai tout. C'est GoSport, tu nous l'as dit. Donc, il y va. Il prend, il doit pas faire que celui-là, mais il prend les baskets, il prend les boîtes où il n'y a pas les antivols. Il met ses pompes pourries dedans, il essaie les bonnes, ah. Et puis ni vu ni connu, de façon naturelle, il s'en va. Exactement. Je vais donc l'appeler, je suis le responsable de la sécurité, je vais dire qu'on l'a gaulé. Ah. Oh, j'aime bien comment elle dit ça. Ah, ah. Mais vous n'avez rien dû faire de mal. On va voir d'abord s'il reconnaît les faits. Oui. Voilà, c'est important. Oui, oui. Comment, comment je m'appelle? Comment voulez-vous que je m'appelle? Jean-Vincent Lassé. Jean-Vincent Lassé? Oui. Ah. Mais si vous avez Achille Talon. Mais t'es sérieux, mec? Achille Talon. Ça passe. Non, mais Jean-Vincent Lassé, c'est très bien. Serge Semel. Et Achille Talon. Patrick Chourave. Achille Talon. Mais non. Achille Talon. Juste pour la vanne. Juste mais pour la vanne. Vous savez quoi? C'est une vanne qui peut faire perdre le coup de fil. Michel Pudeyep. Ah, eh, Michael Converse. Roux, hein. Quoi? Michael Converse. Ah, tu vois un responsable de la sécu du hey. GoSport de Sainte-Geneviève-des-Bois qui s'appelle Michael Converse? Et pourquoi pas? Étienne hey, Skateba. Skateba. Monsieur Mocassin, tout simplement. Non, non, non. À Gland. J'habite à Gland. J'habite à Gland en Suisse. Monsieur Mocassin à Gland. Bon, je serai Étienne Skateba. Oh. Non, Skateba, c'est grillé à mort. Bah c'était ouais. Bien. Ah bah, ouais. Ça y est, choix c'est parce pas bien. Parce que Mocassin, c'est pas grillé. Ah non, Mocassin, ça passe. Non, ça fait ça passe mieux. Maurice Cassin. Ouais. Maurice Cassin. Mocassin. Et non, Eric mais... Talon. Il reste Kevlo bon, sur Talon. J'ai mal au crâne. Étienne Chou. Je fais une pause, j'ai l'impression que mon chien, il me parle en japonais. J'ai mal au crâne. Waouh. Je serai Jean-Vincent Lassé. Talon, ça passe. Je garde Jean-Vincent Lassé en hommage à Jean-Vincent Placé. Très bien. En garde à vue. On y va, on est parti. Il s'appelle Philippe, pas un bruit. Il va falloir que je prenne un ton dur d'agent de sécu. J'ai déjà pris un ton dur. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Jean-Vincent Lassé à l'appareil du PC Sécurité du GoSport de Sainte-Geneviève-des-Bois. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Bonsoir, monsieur. Monsieur, vous êtes client chez nous? Ça m'est arrivé. C'est pas une, de c'est pas une, venir, oui, bien sûr. C'est pas une question, monsieur. Hein, c'est une affirmation. Je ah, sais d'accord. Vous, voilà, oui, je ça, sais oui. Que vous êtes client chez nous. Ok. Voilà. Est-ce que... Enfin, je dis client, vous n'êtes pas forcément client. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ben non, pas du tout. Il m'arrive de venir. J'habite à côté, donc oui. Il m'arrive de venir. Vous savez qu'on a grillé votre petit manège, monsieur? Grillé votre petit manège, de quoi vous parlez? Monsieur, vous savez très bien ce que je veux dire. Non, je vous assure que non. Enfin, vraiment pas. Monsieur, vous venez avec des vieilles chaussures que vous remettez dans les boîtes, vous repartez avec les neuves. Mais pas du tout, non. Monsieur, non, je serais à votre place, j'aurais fait pareil, monsieur. Non, mais attendez, non, je n'essayais pas de me faire dire des choses que j'ai pas faites, tout ça, non. Monsieur, j'ai les bandes vidéo, monsieur. Ah oui, mais on peut les voir, ces bandes, enfin. Bah, moi, je les ai vues. Elles vont être mises à la disposition de la police. Je vous appelle pour l'instant. Monsieur, c'est du vol, monsieur. Vous mettez vos vieilles chaussures dans des boîtes. Et juste après, vous prenez les vôtres. Comment vous appelez ça, monsieur? Mais vous êtes du PC Sécurité, c'est oui, ça? Oui, monsieur. Donc, j'ai appelé pour vous dire que nous allions poser plainte. Mais d'abord, je voulais vous parler. Bah oui, non, mais enfin, voilà, après, c'est peut-être pas on est arrivé jusqu'à appeler la police, non? Je sais pas. Voilà, donc, monsieur, si on retrouve la police, vous savez ce qui va se passer? Ils vont faire une enquête, ils vont retrouver votre ADN. Oui, peut-être pas jusqu'à. Non, monsieur, mais bien sûr que si, monsieur. C'est déjà arrivé, on a déjà eu un précédent dans le magasin. Bien sûr que si. Donc. Monsieur. N'appelez pas la police, juste n'appelez pas la police. Alors, voilà, j'ai peut-être merdé une fois, mais. Enfin, voilà. Après, c'est compliqué pour monsieur, moi. Monsieur, alors, voilà. À moins qu'il s'agisse d'une maladresse de votre part. Et là, non, mais cul, voilà, c'est après, du poulet. C'est vrai que j'avais des difficultés financières, mais donc, enfin, voilà, je recommande pas. Est-ce que mon cul, c'est du poulet? Non, monsieur. Non. Non, monsieur. Non. Non. Je vous le confirme, non. Donc, ça n'est pas une maladresse de votre part, monsieur. Oui, non, mais voilà, ça, j'ai fait ça une fois. Mais non, monsieur, vous ne l'avez pas fait une fois, monsieur. Vous l'avez fait combien de fois? Bah non, enfin, je l'ai fait une fois cette année. Non, vous ne l'avez pas fait une fois, monsieur. Combien de fois vous l'avez fait? Peut-être deux fois, je ne sais pas, deux fois. Mais bon, voilà, c'est pas monsieur, j'ai, enfin, monsieur, j'ai trois vidéos, monsieur. Trois vidéos, mais il y en a une de l'année dernière aussi. Enfin, c'est vrai que ça date. Eh bah, bien, deux plus une de l'année dernière, ça fait trois, monsieur. Oui, oui, pour le 3, oui. Ben, après, comment on peut s'arranger? Parce que je n'appelle pas la police, j'ai une femme, j'ai un enfant. Fin... Non, mais monsieur, attendez, attendez, vous connaissez le principe. Vous partez avec des chaussures neuves qui sentent bon, vous nous laissez vos poubelles qui embaument. Parce qu'en plus, monsieur, il y a une odeur. Il y a une odeur, on va se le dire. Ben, elles sont vieilles. Ben, bah, monsieur, ça pue des pieds dans tout le magasin. Donc, il y a un moment donné, voilà, on ne peut pas supporter ça. Oui, non, mais je comprends, oui. Voilà. Et comment bruit, l'odeur, tout ça. Donc, monsieur, on a évolué le montant du larcin, il y en a pour à peu près 1500 euros. 1500 euros, mais non. Ah oui, monsieur. Monsieur. Mais après, le préjudice, tout ça, je veux bien, mais on peut peut-être. Monsieur, vous faites comment pour rembourser, monsieur? Bah non, mais écoutez, non, mais je sais pas, on peut peut-être se voir, mais il n'y en a pas pour 1500 euros. Moi, je ne peux pas payer 1500 euros, c'est pas possible. C'est des chaussures à 100 euros. Monsieur, comment on se débrouille, monsieur? Comment on se débrouille? Bah, je ne sais pas, vous me dire, mais n'appelez pas la police, s'il vous plaît. Bon, monsieur, à moins que vous nous rameniez toutes les chaussures dans un état irréprochable. Bah, non, il y en a certaines qui sont vieilles, elles ne sont plus dans un état irréprochable, je préfère vous les payer. Et qu'est-ce que vous faites avec vos pieds, monsieur? Parce que ce que vous nous avez laissé, monsieur, c'est une infection. Dans la réserve, ils n'en peuvent plus, ils ont les yeux qui pleurent, il y a le papier qui se décolle, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je ne récupère pas vos horreurs. Déjà, qu'est-ce qu'on, on ne sait pas quoi faire des anciennes. Non, je m'excuse, après c'est parce que je mets pas de chaussettes. Ben voilà, monsieur, il y a un moment donné, rien que pour l'odeur, ça mérite une amende. Non, donc, mais, monsieur, attendez, si, mais bien sûr que si, monsieur. On peut porter plainte pour agression olfactive, monsieur, ça existe. C'est oui, une agression, bon, c'est une agression. Non, mais je vous trouve. Vous, non, monsieur, on a failli perdre la Sylvie de la Comta la semaine dernière, non, monsieur. Ah, vous exagérez quand même, vous voulez vous faire porter le chapeau surtout là, non je, vous portez pas le chapeau surtout, monsieur, nous avons les preuves. Oui, alors, vous allez venir au magasin, vous allez venir, vous allez vous excuser, monsieur. Oui, non, mais bien sûr. Vous venez me voir, vous venez vous excuser. Oui, mais je peux faire ça, vous, enfin, vous pas besoin de vous présenter, je vous sentirai. Non, monsieur, après, pas monsieur vous avez des, je fais pas d'humour, vous avez des pieds de hobbit, monsieur, une odeur pareille, c'est pas possible, ça se fait nulle part. Vous êtes peut-être énervé contre moi, du coup, là, vous vous acharnez, mais bon, enfin... Je vous ai dit, je pourrais payer, je recommencerai plus, je reviendrai plus dans votre... Alors, magasin, monsieur, vous allez payer, donc... Trois paires de chaussures. Oui, c'est ça, oui. Plus l'incinérateur pour détruire les précédentes. Non, mais... Plus... Après, je peux les récupérer. Plus trois sapins. Il faut mettre des sapins, monsieur. Les sapins, on vous les facture. Plus trois brises senteurs sauvages. Et un brise senteur marine. Ça, c'est moi qui demande. Là, vous allez loin. Je suis pas... Ah, monsieur, on a, cru, monsieur on a cru qu'il y avait raclette à la cantine. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cantine. Vous, en fait, vous passez votre temps à me parler de mon odeur au lieu de me dire que... Oui, voilà, attendez, excusez-moi, oui. Comment je vous rembourse. Rajoutez une bougie parfumée. Et je rajoute deux bougies deux parfumées. Bougies. Voilà. En fait, là, vous voulez vous acharner sans moi. Moi, je suis plus ensemble. Vous êtes plus ensemble. Oui, je suis plus ensemble. Et je rajoute trois bâtonnets ensemble. D'accord, bah, je vais vous ramener tout ça. Si ça okay. Faire plaisir. Et un petit stick-up d'Airwick. Celui qu'on met comme ça. On va arrêter contour. Là, monsieur. Il y a un bouche. Je sais pas, enfin... On peut arrêter là, non. Et on dit pardon, monsieur le minimum, je ne vous ai pas entendu, si. Oui. Je oui, m'excuse. Oui, je m'excuse. Ça, non, vous ne l'avez pas bien dit, monsieur. Je m'excuse. Je m'excuse, monsieur. Voilà, je, vraiment, je m'excuse, monsieur. Je n'ai pas entendu monsieur. Ça. Monsieur. Je m'excuse, monsieur. Coé. Monsieur Coé. Monsieur Coé. Je m'excuse, monsieur Coé. Voilà, on est sur énergie, c'est très bien. Bravo. Bravo. C'est très bien. Bravo. Alors, enfin, ça vous plaît des pieds. Revenons pas sur cette odeur, je crois qu'on en a assez parlé. Philippe, oh là là. Tout va bien, on a gaulé l'histoire, on a gaulé l'histoire, n'y va plus, ne va plus là-bas. C'est Sophie, oh, putain, qui, Sophie fait lui un bisou. Ah mais Sophie, mais... Oh, attends, on va régler ça demain. Vous allez régler ça entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on offre à Sophie? On va lui offrir une petite PS4. Ok, d'accord, oh quand même. Et en plus elle gagne un cadeau, délation monsieur. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi,

soleil qui brille. Attention au traquenard, il a une équipe débile. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Ils sont numéro un quand même. Bravo les trois cafés gourmands. Vous savez, je lance l'invitation officielle. Il faut qu'il revienne dans cette émission. Je suis en train de la lancer là. Il faut qu'il revienne dans cette émission. Il faut qu'il fête. Vous vous rendez compte, c'est un groupe de rap corrézien. C'est pas tous les jours qu'il y a. C'est pas tous les jours qu'il y a du rap corrézien dans le monde. Rap corrézien. Ah ben c'est du rap ça. Donc c'est de l'urbain. Ouais, c'est ça. C'est l'urbain corrézien, c'est la guitare. Bah si. Mais il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne fêter le fait qu'il soit numéro 1. Ils sont déjà venus. Ouais. Eh bien, je vais les faire revenir. Et là, ils vont chanter trois fois. Voilà, paya, paya, papa. Il y aura Louane dans quelques jours. Celui qu'on retient, celui qui s'efface. Bien. MHD qui va venir dans quelques jours. On aura pas mal d'autres surprises. On a fait une belle émission aujourd'hui. On a été numéro 1 toute la soirée avec le hashtag. On est toujours, c'est bien. Est-ce que t'as connu l'époque où? Est-ce que tu as connu l'époque? Oui, c'est le hashtag de ce soir. Vous avez mis numéro 1. Suivez-moi sur Twitter, Koé officiel. Si vous ne me followez pas, follow-moi. Follow-nous. On sera heureux. On y va, quelques hashtags. On a Carter Cash qui nous dit: est-ce que tu as connu l'époque où il fallait tourner la manivelle pour ouvrir les portes de ta voiture, les vitres de ta voiture? Bah oui. Pour démarrer ta voiture. Je vais être honnête, ça, c'est des brigades du TIC. Je suis pas si vieux que ça, connard. 1920. Ah, tu m'aimerais. Hein, monsieur Clémenceau. Non, je. Il y en a plein qui en ont encore. J'ai eu. Alors, je vais vous dire un truc. L'une de mes premières voitures avait les vitres manuelles. Ah, mais oui, tu m'as raconté. Tu faisais exprès, non? Et comme je n'avais pas les vitres électriques, je faisais genre je les avais. Alors, je mettais ma main sur le tableau de bord et je bougeais juste le poignet. Pour ouvrir la vitre. Tu vois, genre, parce que si tu fais le mouvement. Ah, mais non, ça marche pas. Le mec, il le voit. Et j'avais appris à tourner juste le poignet, comme ça, ça faisait. Tu faisais le bruit ou pas? Ah, oh ouais, c'est ridicule. C'est ridicule, oui. Ridicule. Mais j'ai encore une voiture comme ça avec les vitres, une Jeep. Oui, c'est l'ancienne. C'est rigolo. Et tu faisais tout, non? La fermeture centralisée. Il n'y avait pas. On continue. On a Jonathan qui nous dit: est-ce que tu as connu l'époque où il y avait l'île de la tentation à 23h sur TF1? Bien sûr. Ah, oui. Ah, ouais. Évidemment. Avec Moundir. Ah, c'était Koh-Lanta, ça. Non, Moundir, il a fait l'île de la tentation avant. Oui. Ah non? Non. Je confonds. Ouais, je vois qui tu parles. Avec sa brune là. Oui, John. Mon bâton. Brandon, j'avais oublié. On continue. On a Vasago qui nous dit: est-ce que tu as connu l'époque où tu devais utiliser un stylo pour rembobiner une cassette audio? Ah oui, évidemment. Face A, face B. Bien sûr, évidemment. On économisait tes piles. Un dernier. On a Artus qui nous dit: est-ce que tu as connu l'époque où tu téléchargeais un film, il fallait mettre une semaine, 4 jours et 13 heures? C'était un peu imule. C'est vrai que c'était un petit peu long. Bon, en attendant, merci. Pas le meilleur, le dernier. Non. On termine par un message qui nous dit: entre la route de mon boulot et mon domicile, j'ai au moins 3 ou 4 fréquences énergie qui se chevauchent. Ah! Et absolument pas synchrone. Mais il nous a envoyé une vidéo. Ah, j'allais dire pas toi, parce que t'habites à 100 mètres d'ici. Non, il nous a envoyé une vidéo, effectivement, ça coupe, ça passe d'une fréquence à l'autre. Et il nous dit: quand j'écoute l'émission, j'entends 2-3 fois les mêmes choses. Et bah, dis-toi que t'écoutes le direct et les best-of. Voilà. C'est un avantage, c'est assez rare. Et un dernier de Bibou qui me dit: je suis éclaté, j'écoutais Énergie la semaine dernière sur la route. Et le mec qui s'est fait larguer en direct parce qu'il a viré la collection d'Hello Kitty de sa nana. Ah ouais. À qui il a fait croire que c'était les déménageurs. J'ai cru que j'allais m'étouffer tellement je riais. Merci Koé et tout. Bah, merci à ce jeune homme. Merci à eux. C'était une tuerie. Bon, on a tout fait. On va terminer quand même par un test avec le public. Ah, oui. Le public qui a été très bon ce soir. Nous allons une info et nous terminerons là-dessus à 19h59, juste avant le Rico Show. On apprend que c'est le ministre de l'Éducation qui s'appelle Jean-Michel Blanquer qui l'a dit. Bravo jeune homme, quelle culture! Merci général. Il l'a dit, un élève en CE1, un élève sur deux a des problèmes de calcul mental. Eh bien, nous allons voir si dans notre public ils sont bons. Je demande à ce que personne n'aide personne. Oh bah. Comme disait Pierre de Coubertin, c'est chacun pour sa gueule. D'accord? Quel est ton prénom? Quentin. Quentin. Je connais son nom de famille. C'est quoi? Reverrai-je. Oui. Quentin, reverrai-je. Oh non. Pays merveilleux. 7 x 9. 45. Non. Ça, c'est 5 x 9. Non, ça sert à rien de regarder, il t'aidera pas. Hein. Allez, on continue, 7 x 9. Et ça sert à rien de te reculer, le micro, il va pas non plus. Je réfléchis. Oui, oui. Je réfléchis. Je te remercie, mais 7 x 9. 64. Non. Ah, presque. Presque, t'es pas loin. 63. Oui, on continue, à côté le prénom. Mathieu. Ça va, Mathieu? Ça va bien. 8 x 6. 46. Non. Non, 50. Oh non, non. 112 entre les deux. 48. Oui. Ouais. À côté le prénom. Fabien. Fabien. Ouais. 9 x 4 moins 5. C'est compliqué. Alors 18. Oh, ouais, 18. 9 x 4. Ah, tu fais sur tes doigts, ça va être long. 9 x 4 moins 5. 29, 28. 9 x 4. 9 x 4, 9 et 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 31. 31. Ouais. Non. Non. Non, 9 x 4, pas 31. Non, 9 x 4, 31, ça n'existe pas. Moi, c'est la réponse. 9 et 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ok. Voilà. Moins 5. 36, moins 5. Ouais. 31. Voilà. Bravo. Bravo. Bravo. La demoiselle d'à côté. Oui, Violaine. Salut Violaine, ça va? Ça va. 6 plus 6 fois 5. 25 plus 6, 31. Pourquoi 25? 6 fois 5. Ouais. Eh ben. 36. 6 fois 5, non, 36. Non, non. 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20. 6 fois 6, 6 fois 5, 5, 10, 15, 20. On dit des mots qui sortent par la tête. Et le compte est bon, je propose 6 boulettes. 47. Monsieur Michel, les voyelles. 12. Ah, le K. Le A. 6 fois 5. 35. Non. 30. Oui. Mais m'engueule pas. Elle t'engueule. Donc 6 fois 5, 30. Donc 6 plus 6 fois 5. 36. Bah oui, bah c'est voilà, génial. Voilà. À côté. Elle est en transpi, la demoiselle à côté. Elle dit, pourvu qu'il n'en ait plus avant d'arriver à moi. Moi, pas moi. Le prénom? Ophélie. Ophélie, 9 x 8. Oh, elle a regardé son mec, elle a fait. Oh, et là, il la regarde en faisant, je sais pas. Regarde toi. 9 x 8. 72. Ouais. Bravo. Le copain à côté. Émeric. Émeric. Karim, Émeric, c'est ça? Ouais. 47 moins 21. 26. Bingo. Et on terminera par celui qui connaît le nom du ministre de l'Éducation nationale. 27 plus 24. Waouh. Attends. Alors 27. Alors attends, 27. 37, 47. 51. Et ben voilà. Voilà. Champion du monde, c'est là-dessus. On se fait des bisous. On vous souhaite une belle soirée. On va revenir demain dans quelques jours. Louane sera avec nous dans quelques jours. MHD aussi. On va passer des bons moments et continuer d'écouter Énergie. Et peut-être pendant le Rico Show, vous allez entendre d'un moment à l'autre le double hit de Soprano. Et si vous l'entendez, 39-37, et vous irez faire un tour au Énergie Music Award. Tout frais payé. Transport, hébergement et tout et tout. Vous m'entendez là-haut? Vous êtes yes, bien? Yes, ça va l'équipe. Ouais, tout ouais, va bien. Tout va bien. On est en pleine forme. Vous aussi, quoi de neuf? Écoute, ça y est, je suis pas bien. J'ai pas pu répondre aux questions que tu posais au public une fois sur deux. Ouais, je te rassure, ils ont pas pu répondre non plus une fois sur deux. Bon, ben voilà. Écoute, c'est raccord. C'est tout raccord. Va bien. Bonne soirée, les gars. Allez, on revient demain 17h. À demain. Ciao. Joey revient demain sur Énergie. 3, 2, 1. Le salut à tous, je m'appelle Émeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show sur Énergie. Yes! Ouais, tellement content d'être avec vous les amis, parti pour 3 heures de délire, 3 heures de kiff, et j'ai déjà Sylvain Potard dans la bouche, ça bafouille, ça roule les airs chelou, ça y est on y est, c'est parti pour une semaine de conneries et de délire. On aura le bail du jour qui va vous faire réfléchir mesdames, messieurs, vraiment sur votre vie de couple. Oui, ça tombe dans 30 secondes, il y aura aussi toutes les news de la semaine. Alors lundi généralement c'est des barres parce que on a tout ce qui est tombé durant le week-end, hein, vous êtes sûrement passé à côté, vous allez voir que nous non. Hein, et on va se marrer d'ailleurs. Venez, hein, 0800 70 42 48. Vous m'avez manqué ce week-end. Trop envie de déconner avec vous. On vous lit également sur Twitter, hashtag RicoShow sur Énergie. Vous êtes déjà hyper nombreux. Salut Betty, Sévache, Louis, Elisabeth, Amélie. Et j'en passe. continuer de commenter l'émission et de venir vous régaler. Dans 5 minutes, c'est le canular du jour et c'est l'appel à votre avis. On appelle une personne au hasard et on lui demande, à votre avis, pourquoi le commissaire Latour vous appelle. Et souvent, on a des surprises, mais franchement, c'est des barres. S'il me balance, mais ne serait-ce qu'un petit dos, derrière, on crée une histoire complètement folle. On s'écoutera Kaigo. Maître Gims. Calvin Harris. MHD. Comment elle va, Sarah? Bonsoir à tous, bonsoir Rico. T'as la forme au week-end? Oh là là, très bon week-end. Loin de vous, ah c'est oui un week-end de malade. Loin des bras de ton mec, comme d'habitude? Non, avec lui, collé. Ah oui, collé. Collé comme une sangsue. Collé, hein, ah. Oui, c'est vrai. Alors raconte-nous, Sarah, l'appel à votre ami. Oh là là, ça va être un truc de malade ce soir. Alors moi, je suis tombée sur une jeune femme, Madame Fabre, qui était en stage dans les pompes funèbres. À mon avis, il y a de quoi faire parce qu'elle avait l'air suspect. Ah bon, il s'est passé un dos dans la pompe funèbre? Dans les pompes funèbres. Quand t'as dit à votre avis, elle a dit je vois. Elle a dit je vois, c'est par rapport à mon stage dans les pompes funèbres. Ça peut être glauque cette affaire. Ouais. Rendez-vous dans 5 minutes pour le canular du jour. Ça va mon tombeur? Eh ben écoute, en pleine forme. Qu'est-ce c'est quoi, je suis passé malgré moi, ouais, à la génération iPhone 6. Ah bon? Ah ouais, j'ai perdu l'iPhone ce week-end. Ah c'est vrai, ton iPhone 5 est mort. Et enfin, je l'ai perdu, il est pas mort. D'accord, donc t'es passé au 6. Ouais, je suis passé au 6. Quand on sait qu'on est au 10, oh là là, c'est un petit peu à ton image, le retard. Je suis dégoûté. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'iPhone? Bah je sais pas. Ils font exprès, ouais, il faut exprès que ça pète. Tous les deux ans, ils le programment. Ils le programment, c'est l'obsolescence programmée. Non mais sans déconner, il faut exprès que ton matos déconne. Ça y est, je parle comme un vieux con. JM est là, ça va JM? Ça va au top, super week-end, je suis à fond. Ce soir, ça va être le feu, je suis content. T'es en forme? Grave de ouf, j'ai vu mon meilleur pote aussi. C'est le feu. Oh putain, pour le meilleur pote. Ah, on l'embrasse. Ouais, c'est le bail du jour. On se fait un bail. Tout le monde va en parler. C'est le bail du jour sur Énergie. Et non, ce n'est pas le pote de JM. C'est promis, mais tout le monde va en parler. Un humoriste responsable de 4000 séparations et 17 divorces. C'est pas une connerie. Non. Il s'appelle Daniel Sloss. Alors j'espère pour toi, par exemple, que ton mec n'était pas devant l'écran. Oh, bien Sarah. Bien. Puisqu'en fait, lors de l'un de ses sketchs, le comique détruit le modèle de l'âme sœur. Son message est le suivant. La société actuelle nous fait croire que si on n'est pas avec quelqu'un, c'est qu'on est brisé et incomplet. Nous nous sentons obligés d'avoir un partenaire pour nous sentir comblés, hein, pour coller à la société, coller au modèle social qui est d'être avec quelqu'un, alors que des fois on est avec, alors qu'on n'a pas forcément envie d'être avec. Il a fait un sketch avec de la vanne et derrière, résultat, plus de 4000 séparations. Il a reçu 4000 messages qu'il a référencés, 17 divorces. Alors dans les séparations, c'était les couples peut-être qui étaient ensemble depuis 3, 6 mois, 1 an, 10 ans, mais sans se marier, et 17 divorces, hécatombe. Et du coup, je me suis dit, quand est-ce qu'on préfère être seul que mal accompagné? Parce que là, c'est le cas. Putain, les mecs, ils ont vu un sketch et c'est là qu'ils se sont dit stop, Sylvain. Bah non, mais moi, la vérité, la vérité explose. Ouais. Bah oui, je vais rendre l'utile à l'agréable. Ouais. Regarde, en plus, tu te marres et c'est mieux qu'une thérapie, tu vois. Ah, c'est vrai, non, mais, bah oui, mais ça doit être un frustré, le mec. Je suis désolé, c'est un célibataire. Tous les célibataires, de toute façon, ils disent la même chose. Ouais. Ils sont un petit peu tristes et frustrés. Ouais, mais en tout cas, tous les couples ont fait la même chose ce week-end. Ils ont regardé le truc et ils sont plus ensemble. Si Mehdi avait regardé ce sketch, est-ce que tu penses qu'il serait toujours avec toi? Écoute, j'ai plus de nouvelles depuis 24 heures, donc peut-être qu'il a regardé. Quoi. Il a peut-être regardé ce sketch. J'aime. Et sur les 4000, il est pas parti avec une des meufs, lui? Non. Lui, il s'est dit, il s'est dit seul et très bien seul. T'es un petit peu son. C'est vrai que c'est déprimant comme message, mais finalement, il y a des gens qui ont percuté, qui sont des putains. La meuf, il y a un message qui dit: ouais, écoute, j'étais avec mon mec, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, je l'ai regardé, je me suis levé et j'ai fait mes affaires. Le mec, il a été un déclencheur, son sketch apparemment est complètement ouf, ça. Déjà, ça aurait pu être la nana de JM. Ouais. Parce que moi, j'aurais préféré être seule qu'accompagnée de JM en soirée. Le mec se met minable, il chante, il s'affiche. Non, mais sérieux, non, mais je vrai. Pense que ta meuf a honte de toi en soirée. Quelle honte! Moi, je pense qu'elle refile la patate chaude pour s'éloigner de son couple. Exactement. Là, c'est un petit peu le camembert qui dit à l'autre fromage, tu pues, quoi. Voilà, on est un petit peu dans ça parce qu'elle sent que ça va arriver vers elle. Elle sent qu'elle va se mettre la pression. Allez, les amis, on parle des fois où on aime être plutôt seul que mal accompagné. On en parle tous ensemble. Vous déboulez 0870 40 48. Et l'appel à votre avis arrive. Il y aura aussi le VTC de la peur. Kaigo. I know I've given up.